Bonjour et bienvenue dans cette émission de lancement officielle de la programmation d'automne, hiver, printemps 2020-2021. Ici Jessica Leb, directrice de la programmation, également animatrice de deux émissions à CKRL. J'aurai l'occasion de vous en parler pendant ce lancement. Un lancement encore particulier cette saison parce que ça va se passer à distance avec nos animateurs et animatrices de la prochaine saison qui habituellement sont là en studio. C'est assez festif. On est content de se retrouver, c'est la rentrée de CKRL, mais cette année encore pour des raisons de Covid-19, eh bien on a préféré le faire à distance pour éviter l'achalandage en studio, mais loin des yeux, près du cœur, j'ai envie de dire, pour remixer cette expression française. Alors, on va découvrir tous ces animateurs pendant ces 2 heures. On est au moins ensemble jusqu'à 13h50 pour tout vous dire, et j'aurai le plaisir de vous présenter toutes les émissions que vous retrouverez à CKRL. C'est beaucoup de retours, on ne recrute pas beaucoup en cette période sanitaire si particulière. On ne fait pas encore de formation de nouveau, mais ça ne saurait tarder. Il y a quand même quelques nouveautés qui s'annoncent. C'est ce qu'on va voir avec notre premier invité pour commencer, Raymond Poirier, qui cumule bon nombre d'années à CKRL. Et en septembre, il sera de retour pour La Vie en BD le vendredi de 17h30 à 18h30. Bonjour Raymond. Bonjour Jessica. Combien d'années à CKRL? Bah, derrière La Vie en BD pour commencer. Ben en fait, c'est la 10e saison de La Vie en BD qu'on va débuter cet automne. Bonne fête alors, 10e anniversaire, c'est pas rien. Effectivement. Raymond Poirier qui a aussi multiplié les chapeaux à CKRL, animateur du matin, directeur de la programmation aussi. Raymond, comment on se renouvelle après 10 ans de BD et surtout avec cette rentrée BD qui doit être un peu particulière aussi? Oui, qui est un peu particulière, en fait. Je dirais que c'est beaucoup dans l'idée de la rencontre, de l'entrevue, où on fait peut-être évoluer peut-être un peu les choses. Évidemment, peut-être en profitant du fait, on a fait un peu d'entrevue par visioconférence, par exemple, dans le grand confinement au printemps dernier. Mais c'est une pratique qu'on va récupérer peut-être un petit peu pour élargir notre spectre géographique d'auteurs qu'on peut facilement rencontrer. C'est certain qu'en direct, les vendredis 17h30, donc d'aller cogner à la porte d'auteur d'Europe notamment, mais c'est pas toujours facile côté art. Il y en a certains qui se prêtent au jeu, mais du moment où on choisit de ne pas nécessairement aller vers le direct pour les rencontres, ben ça nous ouvre ce type de porte-là. Et en parallèle, ben c'est certain qu'on avait déjà amorcé aussi des changements l'an dernier. Ajout de club de lecture, donner des cartes blanches à nos collaborateurs, à nos chroniqueurs, ben ça aussi, c'est des éléments qui nous permettent, année après année, d'ajouter un petit peu de nouveauté, de changer un peu la manière de faire les choses, dans un contexte aussi d'un médium qu'on connaît comme équipe de plus en plus. Et, évidemment, là, parce qu'en 10 ans, je pense que des entrevues, on en a fait près de 600. Donc, on a parlé à pas mal tous les auteurs BD du Québec, là, ça c'est clair. Oui, t'es vraiment une référence dans le domaine, Raymond. J'ai envie de te demander, vendredi s'en vient déjà très rapidement, ça sera ta première, donc à 17h30, premier retour au micro ce 11 septembre. Qu'est-ce que tu nous réserves au menu de La Vie en BD ce vendredi? Ben, on commence avec un sujet difficile et un sujet sensible. On va parler du suicide. Dans la mesure où il y a une bande dessinée qui a été publiée du côté de Mouette Graphique, donc une maison d'édition de Lévis, on avait envie de commencer avec des saveurs locales. Et cette bande dessinée-là s'intéresse à des travaux de recherche qui ont été faits du côté, entre autres, de l'Université d'Ottawa, où il y a des chercheurs qui ont cumulé 20 000 rapports de coronaires de 1763 jusqu'à aujourd'hui, et qui s'intéressent à des cas, justement, de gens qui sont malheureusement enlevés la vie. Et dans le fond, qui ont choisi pour amener cette recherche-là vers le public et pour amener les questionnements, évidemment, et le débat et les réflexions et les discussions qui sont associées à un sujet comme celui-là, eh bien, les chercheurs ont choisi de l'amener par le biais de la bande dessinée. Alors, de quelle manière l'auteur, Christian Quesnel, a reçu cette proposition-là et de quelle manière on arrive à illustrer, essentiellement, à mettre en image, à mettre en scène un rapport de recherche sur un sujet comme celui-là, comment on choisit les éléments visuels. Donc, on trouvait que c'était, d'un côté, une belle opportunité de mettre en valeur le potentiel de la BD comme outil de vulgarisation de sujets complexes, et de l'autre, de voir aussi de quelle manière un créateur pouvait faire des choix qui sont pas toujours faciles au profit de la narration et dans un contexte, j'aurais envie de dire, entre guillemets, extrême comme celui-là. Donc, ça va être l'entrevue avec laquelle on choisit de lancer notre saison. Ça promet, effectivement, on voit que c'est quand même très varié. Encore une fois, moi je suis toujours impressionnée de la variété des sujets et des fois, comme tu dis, la complexité de sujets qu'on choisit d'illustrer en BD. Et on voit aussi qu'il y a tout un tas de types de BD, comme la BD documentaire ou reportage par exemple. Donc Raymond, j'ai bien hâte de t'entendre. On va se suivre, hein, puisque Première Loge sera de retour avant toi aussi de 16h à 17h30. Donc bonne première vendredi pour La Vie en BD, 17h30 vendredi. Merci. Merci, c'était Raymond Poirier pour ce rendez-vous magazine du vendredi soir qui se prend très très bien. C'est vrai qu'on est déjà dans l'ambiance de la fin de semaine, mais pour autant, je peux vous dire, c'est toujours très instructif de repartir avec des idées de lecture BD le vendredi. Dans un tout autre genre maintenant, rendez-vous de la fin de semaine, puis ça aussi c'est un rendez-vous de longue date sur les ondes de CKRL. Cap Estrade sera de retour, votre émission dédiée à la musique traditionnelle, une équipe de 4 animateurs qui vont se succéder cette saison pour vous informer sur la musique traditionnelle, mais les arts traditionnels aussi. Et j'ai la chance d'avoir avec moi un heureux ambassadeur de cette émission, Maxence Croteau, qui réanimera très bientôt, parce que je vous l'ai dit, c'est une équipe rotative. Bonjour Maxence. Maxence, on a le plaisir de te retrouver avec une équipe de 4 animateurs. Je vais te laisser les présenter. Oui, on a toujours les mêmes 4 animateurs qui étaient là la saison passée. On a des vétérans comme Jean-Pierre Chénard et Liette Remont. Et on a la nouvelle ajout aussi, Marie-Claude Pellerin, et moi qui va être là aussi depuis. Je sais pas, ça fait combien de temps? Sais-tu, Jessica, ça fait combien de temps? Un an, 2 ans? Marie-Claude, je pense que c'était l'année dernière qu'elle a intégré l'équipe. Non, l'année Marie-Claude, mais moi, je sais plus. Ah, pour toi? Maxence, ça fait au moins 2-3 ans, je pense, que tu es avec nous. 2-3 ans. Et je suis la mémoire de la station. Maxence, ce que j'aime, c'est que vous êtes des générations différentes aussi, donc un rapport très différent à la musique et aux arts traditionnels du Québec. Et oui, on est des générations différentes, mais je pense pas que ce soit un blocage ou quoi que ce soit en particulier, parce qu'on est vraiment habitué dans la musique traditionnelle que ce soit un milieu intergénérationnel. Donc moi, depuis que je baigne un peu dans le milieu de la musique traditionnelle, même avant d'en jouer, j'allais dans les parties par moi-même, puis c'était des gens entre 40 et 60, 50 ans, qui avaient des gens de 20 ans aussi là-dedans. Moi, j'avais peut-être, je sais pas, 15 ans. Donc c'est quelque chose qui a toujours fait partie du milieu. Donc, d'avoir des gens comme, par exemple, Marie-Claude ou moi, qui sont un peu plus jeunes, ben les deux, on a quand même baigné avec des personnes plus âgées. L'inverse est aussi vrai. Jean-Pierre et Liette ont baigné et baignent encore toujours avec des gens qui sont plus jeunes qu'eux. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de barrière d'âge dans le milieu de la musique traditionnelle. On a des chums de 60, 80, 90 ans. Qu'importe notre âge. C'est vrai que c'est l'essence de la musique et les arts traditionnels. Mmh. Maxence, je sais que tu peux pas parler pour toute l'équipe parce que chacun a sa couleur, mais toi, j'imagine que depuis ce confinement, parce que tu n'es pas revenu animer en studio depuis un moment avec le confinement qu'on a vécu, tu as dû faire des trouvailles en musique traditionnelle. Je sais que tu vas chercher aussi à l'international parfois tes goûts musicaux. Oui, c'est sûr que j'ai pris une certaine pause pendant l'été. Donc, oui, j'ai continué d'écouter de la musique traditionnelle, mais comme avec le confinement, avec le contexte général, il y a moins de sorties d'albums, il y a moins de spectacles, il y a moins de danse. Ça, c'est quelque chose qui nous a quand même frappé beaucoup dans la musique traditionnelle, au fait que pour nous, ça se limite pas seulement à écouter de la musique. C'est peut-être juste une infime partie. Et je connais beaucoup de musiciens traditionnels qui n'en écoutent pratiquement pas. C'est une musique qui est surtout jouée. Donc, c'est pour ça aussi que quand on prend une pause, en fait, d'écoute de musique traditionnelle, en fait, c'est pas tant une pause d'écoute, c'est une pause générale. Fait que c'est comme une espèce de un tout qui n'a pas suivi là. Fait qu'il y a encore des sessions jam, tu sais, mais ça va être chez les gens, ça sera plus dans les lieux publics comme dans les bars. Les danses, je pense que c'est le meilleur moyen de transmettre la COVID-19. Fait que je pense pas que ça va être pour bientôt qu'on va se remettre à danser des 7 carrés, en groupe, oui. Des parties. Puis il y a aussi le fait qu'une bonne partie du milieu est quand même assez âgée, puis souvent, il y en a là-dedans qui vont préférer rester chez eux aussi pour éviter les risques de transmission. Et Maxence, pour se donner une idée de ce que vous allez nous réserver musicalement, on se replonge alors dans des classiques, dans des découvertes internationales aussi pour le traditionnel? Oui, je pense bien. Moi, comme justement hier soir, j'étais en train de replonger par moi-même jusqu'à là, peut-être 20 ans. Je sais pas, je suis tombé dans de la musique irlandaise puis écossaise. Donc on va sûrement en entendre bientôt. Sinon, ça va être encore des émissions thématiques parfois qui vont être sur le thème des thèmes variés. Je sais pas, peut-être que je vais faire un thème sur l'agriculture. Je passe l'été dans les champs comme ça. Il me passe plein de tunes dans la tête à passer à passer à la radio. C'est sûr que chacun aura sa couleur. On va continuer d'annoncer les événements puis les nouveautés qui vont se passer dans la musique traditionnelle, parce que c'est pas parce qu'on est chez nous qu'il se passe rien. Il y a justement le stand de valorisation du patrimoine vivant Estrade qui organise en ce moment dans le Petit Champlain chaque semaine un spectacle de musique traditionnelle. Donc il y a du matériel là aussi, puis c'est bon de tenir la ville de Québec, les résidents informés de ce qui se passe. Fait que ça, c'est une de nos missions principales, de faire connaître puis d'amener les gens dans ces événements-là. Ben, ça sera à suivre, hein, oui, parce que c'est aussi un rendez-vous d'actualité, hein, Cap Estrade, pour tout ce qui se passe en musique et en art traditionnel. Donc, je vous le rappelle, de retour le dimanche, ce dimanche, dès midi jusqu'à 13h. Et on se rappelle qui anime ce dimanche, c'est Jean-Pierre Chénard qui ouvrira la saison. Maxence Croteau, merci beaucoup d'avoir représenté l'équipe de Cap Estrade. Il m'a dit, ça fait plaisir, dis donc. Maxence Croteau, comme je vous le disais. On continue cette ronde, puis vous le savez, ça va être comme ça pendant tout le long de l'émission, cette ronde de présentation des émissions qui vont être avec vous tout l'automne à CKRL, en fait tout l'automne, hiver, printemps 2020-2021. On passe clairement 8 mois ensemble pour cette prochaine saison. Puis il y en a un qui est toujours fidèle au poste, que ce soit dans l'émission du matin avec ses chroniques bières, mais là c'est en tant qu'animateur de l'émission Les Échangeurs d'air, qui sera de retour le mercredi à 20h30, toujours avec Jean-Philippe Boisbriand à la mise en onde, et même une recrue qui s'en vient. Bonjour Michel Marcoux. Bonjour. La recrue, ce n'est pas toi, bien sûr. En fait, je suis le recrue de l'émission, mais pas de recrue de la radio. Non, pas vraiment. Ça fait combien d'années, Michel, que tu as à CKRL? Moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. En fait, j'ai fait une première émission en 1981. Ah oui, c'est presque les débuts de CKRL. CKRL était encore... je participais à une émission avec des amis, alors que CKRL était encore à l'Université Laval. Mm-hmm. Ensuite, j'en ai fait beaucoup dans les années 90. Je me suis arrêté pendant quelques années, puis là, on pense que ça fait 15 ans. Ah oui, d'accord. Bon. Pour cette émission aussi. Alors, ça m'a surpris quand Jean-Philippe m'a dit que ça faisait 15 ans. On avait fait une petite pause à un moment donné, mais ça se poursuit toujours. Et pour cause, vous êtes de retour cette saison avec les Échangeurs d'air, comme je le disais, un rendez-vous d'1h30 le mercredi. C'est toujours difficile à décrire les Échangeurs d'air, Michel. Comment vous qualifieriez votre univers? Éclectique. Ouais, c'est pour ça, hein, que je disais, c'est difficile à définir. Un des thèmes de l'émission, pratiquement, c'est, je dirais, la discothèque de Jean-Philippe. Mm-hmm. Alors, Jean-Philippe dispose d'une discothèque que j'oserais qualifier d'infini, finalement, mm-hmm. parce que on en a plus à écouter que ce qu'il nous reste de temps à vivre. Et il peut varier constamment. On a des thèmes quand même, beaucoup de musique qui vient d'un peu partout dans le monde. Alors, on a fait souvent des émissions de musique qui étaient congolaises, de beaucoup de cumbia, de musique qui vient d'un peu partout, de tous les continents. Beaucoup de trucs très rares aussi, des choses qu'on ne peut pas trouver facilement, que Jean-Philippe a dans ses collections. Dans sa discothèque, oui. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Maintenant, c'est un des plus grands téléchargeurs qui existent. c'est ça. Alors, il achète beaucoup, beaucoup de trucs. Dès qu'il y a des trucs qui sont recommandés par des gens qu'il connaît aussi, il va essayer de mettre la main dessus. Mm-hmm. Ce qui fait qu'on se retrouve avec énormément de variétés. Mais il y a des choses qui reviennent tout le temps. Il va y avoir du folk. Je sais qu'il va y avoir du folk. Et ce qui est drôle dans votre association, parce que Jean-Philippe Boisbriand est la discothèque. D'ailleurs, il a pris un peu plus le micro pendant le confinement aussi. Donc, on espère qu'on l'entendra un peu plus dans les Échangeurs d'air. Et toi, Michel, tu es les anecdotes de ces chansons trouvées. Ça te donne pas trop de fil à retordre pour la recherche? Il y a des trucs, parfois, même juste une anecdote comme ça, on a mis, à un moment donné, un bloc pour lequel il était impossible de vraiment dire d'où ça venait. Tout ça, tout était en japonais. Ça nous avait été envoyé par un ami. Ah oui. Tout était en japonais et on a fait jouer cette musique-là avec un inconnu qui chante une chanson inconnue de provenance inconnue, à part le fait qu'on savait que c'était japonais. Et il y a une auditrice qui nous a appelé pour nous dire que ça venait de sa région natale. Ah bon? On a pu mettre... Comme quoi les auditeurs nous sont précieux pour les informations aussi de nos émissions. Là. C'est ça qui est bon. Oui, c'est ça. Alors, on est gardé, c'est ça. Alors, on peut aller dans toutes sortes de choses. Et on va voir Benoît Arcand. Oui. Benoît Arcand, donc, qui suivait notre émission. Et on sait toujours, c'est amusant, des fois, il y a des gens avec qui on s'entend bien dans la vie. Benoît Arcand, ça a toujours été un plaisir. On attendait qu'il arrive avec impatience lorsqu'il faisait l'émission après nous. Quelle va être sa touche? Mais quelle va être sa touche, Michel? Il est plus rock que nous, je dirais, parfois. Tu sais, ces jeunes-là, hein? C'est ça, non, je dirais qu'il y a vraiment lui aussi une discothèque complète qui ressemble un peu à celle de Jean-Philippe quand même, qui la complète. Mais c'est ça. Alors, ces deux-là, musicalement, s'entendent très bien. Mm-hmm. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se mélanger. Se mélanger et tout ça. Mais on a déjà fait pour le plaisir des petites émissions ensemble. Et j'ai l'impression que ça risque d'être fort plaisant. Les échangeurs d'air, c'est dès ce mercredi 20h30 jusqu'à 22h hein, pour ce rendez-vous. Donc, il y a à peu près 15 ans. C'est comme ça qu'on va le définir, Michel. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, bonjour. Michel Marcoux. À la prochaine. Puis je tiens à vous préciser que vous le retrouvez aussi dans les matins éphémères et également en tant que guide dans la promenade des arts hein, qui aura lieu pour une dernière fin de semaine les 12 et 13 septembre prochains. Donc, si vous voulez rencontrer Michel en chair et en os, essayez de vous inscrire sur la liste d'attente de la promenade des arts. Vous allez pouvoir le rencontrer à un moment donné dans votre parcours. On continue, hein, je vous l'ai dit, c'est un feu roulant avec tous les animateurs qui font leur défilé alors à distance aujourd'hui pour cette émission du lancement de la programmation d'automne. On revient au magazine maintenant avec Robert Boisclair qui sera de retour pour vous parler de théâtre et de danse cet automne. C'est toujours le lundi à 17h30. Bonjour Robert. Bonjour. Robert, raconte-moi cette rentrée en théâtre et en danse qui va être si particulière aussi pour ton émission, hein. Oui, effectivement, parce que les théâtres annoncent des programmations, mais des programmations qui sont un peu en stand-by, entre guillemets, qui sont un peu en attente, donc des programmations qui sont parfois incomplètes. Le Trident, par exemple, a annoncé qu'un mois de spectacle. D'autres ont annoncé un automne un peu plus complet, mais c'est avec des jauges réduites. Donc, l'émission va s'adapter. On fait quelques petits changements à l'émission. Premièrement, on va ajouter un volet cirque. Donc, on va parler de théâtre, de danse, mais également de cirque. Donc, c'est intéressant, parce que de plus en plus à Québec, il y a des troupes de cirque qui prennent leur envol. Donc, on pourra en parler, avoir des entrevues avec l'école de cirque, par exemple, Machine de cirque ou d'autres organismes dans le domaine du cirque à Québec. Et on ajoute cette année un volet d'une heure que j'ai intitulé « Classe de maître » dans lequel on va interviewer des individus, des gens du domaine du théâtre, de la danse ou du cirque qui vont venir nous parler de leur métier, comment ils le font, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les motive dans leur métier. Et on va avoir un petit questionnaire un petit peu spécial pour nos invités. Donc ça va être une heure qu'on va avoir à peu près une fois par mois, un mois et demi environ. Donc on va pouvoir jaser avec les gens de théâtre et de leur métier. Donc ça promet beaucoup, mais on garde toujours un peu la même structure pour le reste. C'est-à-dire qu'on a toujours notre équipe de chroniqueurs qui vont être là, presque complète cette année. Olivier Houdard et Camille Proust reviennent. Pour le moment, David Lefebvre ne sera pas là à l'automne, peut-être à l'hiver, mais on revient avec l'équipe et on va continuer à parler de théâtre, faire des entrevues, parfois des tables rondes, faire des critiques aussi, et éventuellement faire des critiques à deux et à trois, là, comme on faisait par le passé. Parce qu'on va quand même pouvoir voir des choses à la rentrée, hein. Le Trident qui a fait son annonce d'œuvres en solo, par exemple. Il y a bien d'autres surprises, beaucoup de programmation virtuelle aussi dans les théâtres. Donc, je vous rappelle que si vous l'êtes au courant de tout, vous pouvez écouter Robert Boisclair pour les enfants du paradis. Ça sera ce lundi, lundi prochain, dès 17h30, qu'on aura ce rendez-vous. Pas le choix de s'adapter aussi avec des sujets un peu plus intemporels. Et je te comprends, Robert, parce que pour Première Loge, ça serait la même chose aussi. On va aller là-dedans pour réfléchir un peu sur l'année qu'on vient de vivre aussi. Merci beaucoup, Robert. J'ai très hâte de t'entendre parler de cirque aussi. C'est la grosse nouveauté cette année pour les enfants du paradis. Effectivement. Merci beaucoup. Merci. Et je vous l'ai dit, c'est une programmation éclectique à ces KRL à laquelle on peut assister. Donc, vous ne serez pas déçus, encore une fois, pour cette prochaine saison. Et on va le voir avec le prochain animateur qui est au bout du fil, Étienne Parent-Lebourdet, qui animera deux émissions dans cette prochaine saison. Messieurs Dynamite, avec toute une équipe le vendredi pour commencer à 18h30. C'est ça, il faut que je me réhabitue au nouvel horaire. Bonjour Étienne. Salut Jessica. Une sacrée équipe, encore une fois. Cette année, vous serez quatre. J'ai entendu dire qu'il y aurait une recrue aussi à venir à l'automne. Exact, une recrue secrète. Je laisse la surprise s'installer progressivement. Vous allez voir ça au courant du mois de septembre. Là. Exact. Tous les vendredis. C'est une voix que vous avez déjà entendue à CKRL d'une autre façon. On n'en dira pas plus. Messieurs Dynamite, Étienne, toi, tu avais intégré l'équipe après un été de Soulfinger. Donc, on rappelle, l'idée du 5 à 7, du 6 à 8 de CKRL, c'est de se mettre dans l'ambiance de la fin de semaine avec du son qui nous met en joie. Vous naviguez des années 50 à 80 et puis ça passe par plein de styles, jazz, funk, soul. Je vois boogie, disco également, musique du monde. Toi, t'es vraiment à l'image de cette émission, je trouve, parce que tu as toujours des trouvailles d'un peu partout dans le monde. Oui, j'aime pas ça être monochrome. Moi, je suis plutôt dans la diversité musicale le plus possible. Donc, si je suis capable de trouver quelque chose que personne n'a jamais entendu, excepté 6 personnes au Liban, ça, c'est ma chanson que je vais faire jouer, c'est sûr. Étienne, dis-moi, est-ce que tu peux nous dévoiler quelques trouvailles qui s'en viennent pour l'automne? Ben là, dans les prochains temps, justement, puisque l'émission de vendredi prochain, j'annonce tout de suite, ça sera moi à la barre de la première de l'été, de la prochaine saison. De l'automne, saison. Oui. Ben, c'est un été qui n'est pas tout à fait fini, hein, oui, effectivement. Exact. Donc, pour l'émission du vendredi 11 septembre, j'avais envie de voyager un petit peu, justement, au Liban. J'ai trouvé une compilation là, de Habibi Funk, donc qui est une compilation assez récente, mais qui regroupe beaucoup d'artistes libanais, et maghrébin aussi, mais dans le funk années 60-70, vraiment très intéressant. Donc, j'en dévoile pas trop non plus quand même. Et il faut pas faire de mauvaises blagues avec le 11 septembre. Donc, il y avait pas de lien entre ma sélection puis la date. J'avais prévu cette sélection-là durant l'été, puis finalement, je l'ai laissé pour le mois de septembre. Quoi qu'il en soit, c'est ça, on va écouter cette musique aussi. Étienne, est-ce que Jean-Sébastien Grandin, Jean-Baptiste Duvigneau qui vont t'accompagner pendant l'automne t'ont dit un petit peu ce qu'ils allaient réserver ou ça reste encore secret de leur côté? Je pense qu'il y a beaucoup de surprises, surtout de la part de Jean-Baptiste là, qui a passé tout l'été dans ses vinyles à la boutique. Ouais. Donc, Explosive Groove Disquaire, on peut la citer. Exact. Ouais. Exact. Mm-hmm. J'imagine qu'il va nous avoir trouvé quelques petits trucs qu'il s'est gardé juste pour lui, qui n'a pas mis en vente, malheureusement. Mais parce que des fois, les gens ne connaissent pas, puis c'est vrai qu'on n'ose pas toujours acheter de l'inconnu, mais elle est faite pour ça, cette émission aussi, messieurs Dynamite, c'est de faire des trouvailles, bien sûr, d'un peu partout. Étienne, donc je rappelle juste pour messieurs Dynamite, ça sera le vendredi de 18h30 à 20h que vous assurerez ce rendez-vous en rotation avec Jean-Sébastien Grandin et Jean-Baptiste Duvigneau. Mais aujourd'hui, tu te fais aussi représentant du reggae avec Racine Musicale, qui, elle aussi, cumule un bon nombre d'années à CKRL. C'est toujours le dimanche à sa cassette. Voilà, la 9e année, donc déjà. Ouais. Donc, je suis encore une fois en alternance. J'aime beaucoup la formule alternative, décidément. Donc, en collaboration avec le grand Bigou, qui est à la barre de l'émission depuis le tout début, depuis 9 ans déjà. Classique, comme à chaque semaine et tous les étés, et tous les hivers et tous les automnes, une belle sélection de roots reggae, donc de reggae plus années 60, 70, 80, jusqu'à 90, mais on n'est pas nécessairement dans l'actualité de la musique reggae, plus que dans la redécouverte de morceaux classiques, puis des presses originales jamaïcaines en 45 tours, etc. Et si vous êtes amateur du genre, mais même si on n'aime pas le reggae, j'ai envie de dire, c'est un rendez-vous qui se prend très très bien le dimanche en 5 à 7 pour finir la fin de semaine. On est toujours bien accompagné avec Bigou. Alors là, il faut t'appeler Natty Hits, c'est ça? Ouais, exactement, je change de chapeau. Et Sonny aussi qui est avec vous dans l'équipe. Bah, donc je te souhaite une belle saison qui sera encore bien remplie, Étienne. Merci beaucoup, merci et bonne saison à tous les animateurs de CKRL aussi et à tous les auditeurs. Merci beaucoup, Étienne Parent, Le Bourdais. Ça fait plaisir d'entendre cette solidarité entre animateurs. On se voit pas aujourd'hui, on n'est pas ensemble tel qu'on devrait être, mais on pense évidemment chacun à notre rentrée. Écoutez, ça fait déjà un bon premier petit tour des émissions à CKRL. Habituellement, c'est midi jazz dans ce créneau horaire, donc on passera pas à côté du style musical attitré au midi 14h. Puis je vous confirme aussi que c'est un rendez-vous que vous retrouverez à l'automne, hiver, printemps 2020-2021. Et celle qui a signé le thème musical de ce lancement d'émission cette année, c'est T420s, alias Lily Thibaudeau, et son projet Jazz et Swing, où elle chante autant en français qu'en anglais. Mais là, c'est principalement en anglais sur ce tout nouvel album qui figure d'ailleurs au palmarès CKRL. Alors, c'est loin d'être fini pour cette émission de lancement d'automne, hiver, printemps 2020-2021 de CKRL. Je vous présente encore d'autres animateurs dans la suite de l'émission. Restez là. A thing to beware. The dipsy doodle will get in your hair. And if it gets you, it couldn't be worse. The things you say will come out in reverse. Like you love I and me love you. That's the way the dipsy doodle works. The dipsy doodle is easy to find. It's almost always in the back of your mind. You never know it until it's too late. And then you're in such a terrible state. Like the moon jumped over the cow. Hey, diddle. That's the way the dipsy doodle works. Just when you think that you're crazy, you're a victim of the dipsy doodle. But it's not your mind that's hazy. It's a thumb that's at fault, not your noodle. Dreedle, dreedle, dreedle, it's your doodle. The other way to your dipsy doodle. A deep, deep, deep, deep, dipsy doodle. You think you're crazy, the things that you say. Like really good eye and the heart of my. That's the way the dipsy doodle. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Manque. Manque d'argent. Manque de temps. Manque de toi. Manque. Nom masculin singulier dans ses pluralités. Fait de manquer, absence ou insuffisance de quelque chose. Et vous, qu'est-ce qui vous manque? Un parcours théâtral et déambulatoire présenté aux alentours du Théâtre Premier Acte du 15 au 26 septembre dès 20h. Manque, un spectacle de théâtre escarpé en collaboration avec Premier Acte. Réservation de votre départ à lepointdevente.com. Manque. Optez pour un mode de consommation responsable tout en encourageant l'économie locale. C'est ce que vous proposent la brasserie artisanale La Korrigane et les boutiques La Récolte. Pour tout achat de 20 $ et plus dans l'une des deux boutiques La Récolte, vous recevrez un jeton de 2 $ valable pour un cruchon d'un litre de bière à La Korrigane. Et parce que nous aimons bien faire les choses, même nos jetons sont fabriqués de façon éco-responsable, à partir de filets de pêche qui auraient autrement fini à la poubelle. La Korrigane, 380 rue Dorchester. Des milliers de personnes sont de retour au travail, parfois avec de nouvelles tâches ou dans un nouvel emploi. Dans ce contexte particulier, il est plus que jamais important pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs de bien connaître les consignes sanitaires, de les partager et de les appliquer à la lettre pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous. Nous avons tous un rôle à jouer. Et la CNESST est là pour soutenir les milieux de travail dans leur démarche. Pour en savoir plus, visitez cnesst.gouv.qc.ca. Un message de la CNESST. Optez pour un mode de consommation responsable tout en encourageant l'économie locale. C'est ce que vous proposent la brasserie artisanale La Korrigane et les boutiques La Récolte. Pour tout achat de 20 $ et plus dans l'une des deux boutiques La Récolte, vous recevrez un jeton de 2 $ valable pour un cruchon d'un litre de bière à la Corrigan. Et parce que nous aimons bien faire les choses, même nos jetons sont fabriqués de façon éco-responsable, à partir de filets de pêche qui auraient autrement fini à la poubelle. La Corrigan, 380 rue Dorchester. Chez moi, chez les autres, avant d'entrer dans un magasin, dès que je le peux, je me lave les mains. Je le fais pour protéger ceux que j'aime, mon petit-fils, mon mari, pour continuer de recevoir à la maison cet été, pour profiter des fêtes de semaine au camping en famille. Parce que la COVID-19 est toujours là, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi malsain, on doit tous se laver les mains. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Take it easy. Take it easy. Take it easy. En direct du studio Denis Barry, CKRL vous présente le lancement de la programmation automne-hiver 2020-2021. Oh, qu'on est fébrile pour cette rentrée automne-hiver-printemps 2020-2021. Autant dire que c'est la prochaine année qu'on vous présente en à peine 2 heures d'émission de lancement. Jessie Caleb avec vous pour cette rentrée. Écoutez, on est tellement fébrile, même si je salue Chloé Bonnefoy qui assure les téléphones avec moi aujourd'hui pour passer tous ces animateurs en ondes. On va passer aussi en direct sur Facebook dans même pas une dizaine de minutes pour tous les animateurs qui vont être en vidéoconférence aussi. On trouve que c'est une belle formule de voir nos faces aussi à un moment donné. Donc dans une dizaine de minutes, si vous voulez nous voir, on sera en direct sur la page Facebook de CKRL. Mais pour continuer ce lancement, j'ai envie de vous parler des nuits de CKRL. On se demande, est-ce qu'après minuit il se passe des choses? Alors je sais que certains connaissent l'émission L'Autoroute qui vous accompagne dans la nuit de samedi à dimanche, mais les nuits de semaine aussi, il y a quand même toute une programmation que j'ai réussi à développer. Je sais que c'était un défi, notamment pour l'ancienne directrice de la programmation, de développer des nuits avec les bénévoles. On a réussi, on en est très fiers aujourd'hui. Et notamment, la nuit qui s'en vient du mardi au mercredi, je vous rappelle, c'est la nuit avant-garde qui, comme son nom l'indique, vous tient au goût du jour pour les nouveautés électro. Puis on est content, c'est un animateur qui a animé une émission du même nom pendant plusieurs années à CKRL, mais là, il a décidé de se consacrer aux nuits. Et c'est Nicolas Joltoc, alias DJ Biotech, qui assurera ces nuits de 5 heures quand même, minuit à 5 heures le mercredi avec la nuit avant-garde. Bonjour Nicolas. Bonjour Jessica. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on ne parle pas suffisamment de nos nuits à CKRL. Programmer 5 heures de musique électro, qu'est-ce que ça donne pour toi? Je sais que tu es très à l'affût, mais c'est beaucoup de travail. Ah ben honnêtement, je pense que les artistes depuis 2017 sont très productifs en Europe. C'est un peu pourquoi d'ailleurs j'ai commencé l'émission de radio à CKRL, c'est qu'il y avait comme une explosion. Puis là, je dirais qu'avec la pandémie, c'est encore pire. Ah ouais. Confiné chez eux. Il y a plein de podcasts. Fait que c'est ça, en gros, ce que je recueille, c'est des podcasts d'artistes européens en acid techno, industriel et dark techno. Puis je fais des blogs de 1 heure. Ça, puis je te les transmets, ça joue en direct grâce à la magie de la technologie. Mais oui, et quand on pense à musique électro, il ne faut vraiment pas penser à tout ce qu'il y a de plus commercial, évidemment, ou tout ce qu'il y a de plus populaire dans cet univers-là qui est très vaste. Tu vas dénicher du son électro qu'on n'est pas forcément très familier, par exemple. Avec. Exactement. Mais en gros, présentement, c'est qu'il y a un gros retour des sonorités des années 90 avec le acid. Même, c'est pour ça que je donne des noms musicaux qu'on a déjà peut-être entendus. Mais finalement, c'est plus une revisitation de ces vieux styles des années 90 avec la technologie du jour. Puis ça donne des résultats assez impressionnants. Puis comme je dis, les jeunes artistes sont tellement productifs. Là, c'est comme s'il y avait un nouvel âge d'or un peu dans ces styles-là. Puis il y a un retour là, vraiment là, au son des premiers raves des années 90. Fait que ben pour les nostalgiques et pour les jeunes, ben ça fait un beau combo. Puis je pense aussi au niveau des événements qu'on assiste dans le monde, il y a de plus en plus des événements sold out à cause que ça vient rejoindre deux générations. Mmh. Bon, mais là, la COVID, par exemple, vient un peu démolir tout ça, mais en temps normal, ça l'allait bien. Ça ouais. va bien aller, comme on dit. Mais oui. Mais Nicolas, j'ai envie de dire aussi... Dans la nuit de mardi. Oui, et puis Nicolas, c'est un peu le genre de musique aussi qu'on va entendre si on sort dans les clubs électro des grandes capitales européennes. C'est vrai que moi, j'étais très surprise. On a beaucoup moins cette culture-là à Québec. On l'a certainement un peu plus à Montréal, mais c'est ce genre de musique électro qu'on pourra entendre aussi. Exact. Ben, on s'entend, c'est beaucoup inspiré du Bergen à Berlin, ouais. puis des gros clubs qui en Angleterre, tout ça. Oui, effectivement, aussi à Montréal, ils ont le collectif Octave qui sont très productifs en événements de ce style de musical. C'est un peu pour ça, là, devant toute cette effervescence, j'ai dit, ah, il faut qu'il se passe quelque chose aussi à Québec. Ben, d'ailleurs, ça l'a donné aussi le Festival Avant-Garde du nom de l'émission de radio. Là. Mais vous m'avez comme fait partir à la radio, puis finalement, ça en est rendu un festival. Mais écoute, après, on en est heureux. Ça sera pas la première fois, effectivement, mais bel événement qui devrait revenir en plus à l'automne. Mais écoute, Nicolas, on s'en reparlera, qui sait, dans Première Loge, justement, le magazine d'actualité culturelle du retour à la maison. Un grand merci, Nicolas Joltoc. C'est un plaisir de te reparler. On s'est beaucoup écrit dernièrement. Oui. C'était pas parler de vive voix. Alors à très bientôt. C'est dès ce soir, en fait, minuit jusqu'à 5h du matin, si vous voulez entendre Avant-Garde la nuit, Avant-Garde électro. Merci. Exact. Bonne nuit. Eh ben, bonne nuit. C'est le cas de le dire. On retrouve, en fait, la nuit passe, puis on retrouve l'animatrice que j'ai au bout du fil à compter de 7h, de 7h à 9h. Elle vous a accompagné tout l'été. Le rendez-vous va se poursuivre également sur les ondes de CKRL. Les matins éphémères, l'émission du matin animée par Caroline Stephenson sera là avec vous pour vous accompagner. Puis, petite nouveauté pour le matin et le retour. Tranquillement, pas vite, on va accueillir un chroniqueur par émission en studio. C'est la grande fête pour nous de ce côté-là. Bonjour Caroline. Bonjour Jessica, ça va bien? Mais oui, ça va bien et toi? Bien contente de te retrouver. Écoute, c'est ça, on le dit toujours, on a un rythme très différent, le rythme du matin. Qu'est-ce que ça va donner pour toi cet automne? Tu nous réserves quoi? Ben écoute, on va être dans le signe de la continuité. Depuis, je dirais, le début de la crise, de la pandémie, aux matins éphémères, on a de nouveaux collaborateurs. Et puis, il faut croire qu'ils aiment ça, c'est des matinales. Alors, ils vont continuer à se lever tôt. Je pense à Valérie Levé, entre autres, qui nous propose toujours une chronique scientifique, de vulgarisation scientifique. Alors, bien sûr qu'on a parlé de la COVID, mais de tout ce qui touche de près ou de loin au sujet des articles scientifiques. Alors ça va continuer. Et puis on va non seulement suivre la COVID, mais tout autre sujet scientifique. Alors on a Pierre Blais aussi, qui avait anciennement son émission de cinéma, mais qui est avec nous depuis ce printemps et qui continue avec nous pour nous parler de cinéma chaque jour. Et je dirais que ça, c'est un art ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu très bien puisqu'il y avait toutes sortes de plateformes. Alors, on continue à parler de cinéma. Maintenant, c'est du cinéma en salle, les sorties de cinéma en salle. On suit l'évolution. On va recommencer à parler théâtre également. Puis la littérature aussi, Barbel qui nous propose une chronique littéraire en alternance avec Caroline Ménard. On parle même littérature jeunesse. Et outre la culture, comme tu sais, Jessica, l'émission, on s'occupe beaucoup d'actualité parce qu'évidemment, c'est le nerf de la guerre aussi le matin pour commencer sa journée. Oui, la revue de presse, les analyses politiques avec Patrick White, avec Jean-François Arthaud, Luc Ferland, qui, à différents moments, il y a Raymond Côté aussi qui nous parle de politique américaine. On sait, on est en pleine campagne électorale. Alors, Raymond nous propose un éclairage vraiment intéressant sur l'actualité américaine, la politique américaine. On a Éric Lamirande aussi qui nous parle de numérique. Il nous a annoncé en primeur, d'ailleurs, ce matin, que Apple dévoilerait les nouveaux iPhones. Mm-hmm. Je sais pas si c'est fait au moment où on se parle. J'ai pas eu de nouvelles. Bon, enfin, Éric nous parle toujours de technologie. Il y a Raymond Poirier aussi qui nous parle d'intelligence artificielle. On parle santé et médecine avec le docteur Drouin. Alors, comme tu vois, puis il y a Martine Auger aussi qui qui est avec nous le matin. Alors, des gens passionnés. Puis là, j'en passe. Je voudrais tous les toutes les citer, mais ils sont nombreux. Caroline, je suis vraiment jalouse. T'as toute une panoplie. Bah, une panoplie, c'est peut-être... Non, une armée de chroniqueurs. Bref, t'as de la chance. La brochette aussi. Bon, tout dépendant de l'image qu'on choisit. En parlant de brochette, quand même, les chroniques culinaires, là, des plaisirs gourmands, t'en as plusieurs aussi à l'émission. Ben là, j'ai Jean Barbeau, chef, qui nous propose une petite chronique. On essaie de faire nos vendredis un peu épicuriens à travers l'actualité, bien entendu, mais on essaie le vendredi matin, entre 8h et 9h, de parler vin avec Nicolas Médieu. Lui, écoute, Nicolas était là avant même que j'arrive à l'émission avec Raymond Poirier, si je ne m'abuse, et puis il est là depuis des années. Ses chroniques sont très appréciées, autant à la radio live qu'en balado. Hein. Les gens arrivent avec leur cellulaire, puis disent, je veux ce vin-là. Alors oui, alors les vendredis sont épicuriens. Michel Marcoux aussi, hein, qui nous propose toujours des belles découvertes gastronomiques, toujours avec modération, bien entendu. Caroline Stephenson, on le rappelle, pour toi, la rentrée, il n'y a pas vraiment eu de pause pour l'émission du matin, mais c'est ce matin qu'on était déjà dans l'ambiance de l'automne, et on te retrouve du lundi au vendredi de 7h à 9h avec tous ces rendez-vous. Donc oui, il y a de l'actualité, mais il y a aussi beaucoup de trouvailles et de découvertes avec toutes les chroniques que tu nous as citées. Un grand merci, Caroline Stephenson. Chronique, mais il y a aussi beaucoup d'entrevues aussi. Là. Oui, exact, des invités. J'allais dire en studio, mais non, pas tout de suite. En tout cas, ça s'en vient. Merci, Caroline. Merci, Jessica. Bonne journée. Ben oui, merci. On va poursuivre cette découverte de la programmation d'automne, hiver, printemps 2020-2021 pour CKRL. Et je suis tellement fière d'entendre toute cette richesse d'émissions au pluriel, parce que c'est à l'image de CKRL, c'est éclectique, c'est des gens passionnés. Puis on va continuer de les découvrir, comme je vous le disais, jusqu'à 13h50. Aujourd'hui, Jessica Leb, directrice de la programmation, avec vous. J'ai le plaisir de vous annoncer. On sait aussi que j'anime aujourd'hui, ce midi, mais je vous retrouve aussi ce soir, 17h30, 19h30, à la Korrigan, pour sortie culturelle à la Korrigan, un rendez-vous devant public. Alors là, c'est la Korrigan en contexte Covid, il y a des plexiglas, on ne doit pas bouger de sa table, on ne doit pas rester debout dans le bar, mais franchement, le plaisir sera au rendez-vous avec des artistes invités qui seront là en performance, l'actualité culturelle aussi que j'aurai le plaisir de vous présenter. Et d'ailleurs, pour vous donner l'eau à la bouche de ce qui vous attend ce soir, on retrouvera un artiste de Québec, comme ils seront nombreux tout au long de la saison, Pierre-Hervé Goulet, qui nous présente un tout nouvel extrait en vue d'un album qui sortira en janvier 2021. Alors, il sera là ce soir à la Korrigan en performance, mais d'ici là, écoutons ce nouvel extrait. Voici Les Oiseaux du Matin, Pierre-Hervé Goulet. Électrique. Le train qui revient, les back. They get too wound up, always come down to sing a stupid song as you roll out of town. Entered into a space. You're at home with your Alexandra Lost, duo de Québec, hein, qui nous a fait danser tout l'été, là où on a pu les voir. Hein. Ils ont joué au MN Back, ils ont joué dans plusieurs autres circonstances, au Maureen Center aussi, dans un festival virtuel. Bref, c'est aussi ça, le son de CKRL, des artistes de Québec, bien sûr. Jessica Leb avec vous, tellement ravie de vous retrouver pour cette rentrée automne-hiver-printemps 2020-2021, une très très large programmation à vous présenter sur les ondes de CKRL. Nos animateurs sont pas avec nous physiquement en studio aujourd'hui, mais ils sont là grâce à la magie notamment de la vidéoconférence. Alors c'est le moment de nous retrouver sur Facebook si vous voulez suivre ce lancement. J'ai quelques animateurs qui vont dévoiler leur visage pour vous. J'ai le plaisir pour commencer d'accueillir Pierre Dolbecq qui est un amateur de la scène locale aussi, de la scène de Québec, avec son émission Diapazone qui a lieu chaque samedi de 18h à 20h. Bonjour Pierre. Bonjour Jessica. Il a tellement un bon micro que j'ai l'impression qu'il est en face de moi en studio. C'est pas merveilleux ça? Pierre, un beau rendez-vous que tu nous proposes avec Diapazone. Puis je pense que ça y est, là, la scène locale, tu commences à l'apprivoiser aussi. On l'a entendu tout l'été avec l'émission qui n'avait pas pris de pause. On a, oui, on est très fébrile d'avoir l'occasion de poursuivre avec Diapazone tout au long de la saison automne, hiver, printemps qui s'en vient. Ça fonctionne très bien. Ça permet à plusieurs artistes émergents qui sont souvent en début de parcours de venir tester la radio pour une première fois, de venir nous faire découvrir aussi leurs coups de cœur musicaux et leur musique. Puis c'est une très belle réaction. Les artistes apprécient beaucoup. J'ai beaucoup de bons feedbacks de la part d'auditeurs aussi qui font des découvertes par la même occasion. Là. Donc, ça va être très varié encore. On va dans toutes sortes de styles. Chaque émission est unique puisqu'elle prend la couleur de l'invité. Mais parle-nous peut-être de ceux que tu as prévu d'inviter à l'automne qui t'ont déjà dit oui. Tu sais, peut-être t'en as déjà en banque, Pierre? Je vous en nommer quelques-uns. En fait, dès ce samedi, on va avoir un groupe là, de punk hardcore, By Design, qui va venir nous présenter leur univers. La semaine suivante, on a Juillet, qui vient tout juste de sortir une nouvelle parution. Là. Donc, on va les avoir avec nous. On va avoir aussi le groupe Hipshot qui va être avec nous en septembre, Margaret Tracteur plus tard en octobre avec Maud Bernier qui va suivre. Donc, on en a plusieurs qui sont confirmés. On va se faire un spécial Halloween avec le groupe Metal Arc Seraph aussi le 31 octobre. Donc, on a plusieurs choses sur la planche pour vous. Mon Dieu, je suis presque jalouse de tous les invités que tu vas avoir. Mais bon, c'est aussi ça la beauté des émissions à CKRL, c'est qu'il y a des invités que vous pouvez entendre dans le retour à la maison, comme dans mon émission. Et ensuite, en fin de semaine, dès 18h, dans Diapazone avec Pierre Dolbecq, qui sera accompagné encore de Gaël Leduc pour l'automne, Pierre. Oui, elle va être là à l'occasion. Toute jeune animatrice, c'est la relève de CKRL. Elle a à peine 14 ou 15 ans, il me semble. Donc, on est heureux d'accueillir ces recrues. Un grand merci, Pierre Dolbecq, pour ce menu qui est très prometteur pour Diapazone le samedi 18h-20h. Merci beaucoup. Merci. On continue. Je vous parlais de relève. On a deux animateurs qui ont accepté de relever un défi cette année. Philippe Marié-Véret, Thomas Belair-Ferland. Ils avaient déjà relevé quelques défis pour le Radioton de CKRL. C'est là que je leur ai fait passer le test. Et puis, vous les avez connus en tant qu'animateurs de Melson dans le fond. Et cette prochaine saison, Ils parleront de musique, de nouveautés musicales, d'albums, mais ils parleront aussi de cinéma. Puis ça, c'est la grosse nouveauté cette année avec l'émission Les Perchistes que vous entendrez dès ce mercredi 17h30. Bonjour à tous les deux, Philippe Thomas. Allô. Salut. Et quel défi vous acceptez de relever? Moi, j'adore. Hein. Je dis aux animateurs, ce serait bien que vous fassiez ça, puis vous avez relevé la chose. Faut dire que vous êtes familier avec le cinéma, Philippe, puisque vous avez étudié, notamment avec Pierre Blais, qui a été animateur de l'émission de cinéma pendant bien des années à CKRL. Ben oui, c'est ça exactement. Il nous a enseigné au Cégep, Pierre Blais, le cinéma. Et puis là, nous, on revient justement pour l'automne. L'hiver, même le printemps, on revient, on va avoir beaucoup de saisons. Avec les Perchistes, très heureux de relever ce défi-là. Et là, je le dis bien humblement, on va tenter de remplacer le mandat de Pierre qui avait situation critique pendant plusieurs années. Donc, ouais, comme tu l'as dit, on va parler de cinéma sur les zones de CKRL, Thomas et moi. On va toutefois garder le mandat de parler de nouveautés musicales aussi. On s'appelle les Perchistes, donc on peut avoir plusieurs sons dans l'émission. On peut avoir autant au niveau cinéma qu'au niveau musical. Donc, ouais, on a bien hâte d'aller en salle pour autant qu'on peut, là. Mais on a très hâte d'aller en salle voir des films puis d'en parler. On va faire appel à plusieurs collaborateurs qui avaient déjà ce mandat-là avec Pierre. On va tenter d'intégrer ça à notre émission. Un petit peu dynamique. Peut-être aussi des chroniques, pas des chroniques, mais des capsules un peu différentes pour dynamiser tout ça. On a bien hâte de relever ce défi-là, Jessica. Ben écoutez, je suis ravie que vous l'ayez accepté. Thomas Belair-Ferland, lui-même artiste, surveille toutes les sorties d'albums au Québec et même à l'international avec toi, Philippe. Thomas, peut-être nous donner un avant-goût sur cette rentrée musicale qui va être très chargée. On parlait même de saturation de sorties d'albums. Qu'est-ce que tu surveilles avec impatience pour les Perchistes? On salue d'ailleurs le nom de l'émission, très très bien trouvé pour les deux domaines, cinéma et musique. Ben en fait, Jessica, il y a beaucoup de nouveautés que je vais surveiller. Ben tu dis saturation, je sais pas à qui tu fais appel en disant ben, c'est ça, pas péjoratif hein, quand je le dis. Au contraire, on est gâté. Il y aura beaucoup de sorties d'albums à l'automne. Ouais, effectivement, mais pour l'instant, en fait, je peux parler des prochaines semaines, peut-être de ce qu'on va analyser. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties récemment, notamment, j'ai envie de parler d'un projet qui s'appelle Original Gros Bonnet, qui est un groupe de rap québécois qui a fait quelque chose de super jazzé, qui a mélangé beaucoup de choses, qui est super intéressant. Je vais en parler dans les prochaines semaines. Sinon, on peut parler à l'international de Katy Perry, par exemple, qui a sorti un nouvel album. Donc, on va aller un peu partout avec les Perchistes. Vraiment, comme on l'a dit, à l'international, autant québécois. Là, je vous ai donné vraiment deux exemples. Sinon, ben là, évidemment, la liste est longue, mais soyez sûrs. Puis d'ailleurs, on invite les gens de CKRL, si vous avez des demandes spéciales, il y a la page des Perchistes qui va être mise à jour sur Facebook. Si vous voulez qu'on analyse des albums et qu'on fasse des chroniques là-dessus, ça va nous faire amplement plaisir de le faire via vos recommandations. Voilà. Et ils sont sans langue de bois, je peux vous le dire. Quand ils aiment moins, ils le disent. Puis c'est ça qu'on aime, la sincérité. Sans détruire des projets, bien sûr, c'est pas ça le but. Absolument. Faut que ça soit argumenté. Ouais. Voilà, mais j'aime ça. Vous êtes toujours très nuancés dans vos critiques. Donc Philippe Marié-Véret, Thomas Belair-Ferland pour les Perchistes qu'on retrouvera dès demain, 17h30 pour un rendez-vous d'une heure. Je pense qu'il y aura beaucoup à dire en une heure. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. On a très hâte, en tout cas. On est prêt, Jessica. Très bien. Ben, merci beaucoup à Thomas et Philippe. Oui. Mais merci. Ça, on est fébrile. Je vous dis, on est fébrile. C'est comme une rentrée des classes, parce que là, ça y est, hein, aussi, je ne l'ai pas précisé, mais tous les animateurs, ou presque, seront en studio pour cette rentrée. Et donc, on a très, très hâte d'entendre leur vraie voix, j'ai envie de dire, plutôt que des voix enregistrées. On retrouvera aussi la relève de la relève, le Machin Club qui n'a pas pris de pause cet été et qui sera de retour avec l'émission Partout où on va le dimanche. De 19h à 20h et c'est toujours Pamela Bisson, directrice artistique du Machin Club, organisme qui met les jeunes de l'avant avec les arts médiatiques, qui sera à la barre de l'émission. Une édition un peu spéciale pour commencer. Pamela, bonjour. Allô, est-ce que vous m'entendez? Bon, on t'entend très bien. Ah, mais c'est bizarre qu'on me voit pas parce que ma caméra fonctionne d'habitude. En tout cas, bon, je suis là. C'est un beau fond jaune à l'image de du rayonnement du Machin Club. C'est ma couleur préférée. C'est pour ça. Pamela, raconte-nous, parce que là, c'est ça. On est limité, pour tout vous avouer, à 2 personnes en studio maximum. Quand le Machin Club vient en studio, on a minimum 4 personnes habituellement. Donc là, je sais que vous faites encore du contenu à distance, sur le terrain, en reportage avec les enfants. Oui, ben pour le prochain mois et peut-être jusqu'à ce qu'on puisse revenir plus nombreux en studio, parce qu'effectivement, d'habitude, des fois, on se retrouve une dizaine même le dimanche, c'est notre rendez-vous dominical. Et puis, se restreindre à deux seules personnes pour nos contenus, c'est plus difficile. Donc, on préfère effectivement rencontrer les artistes tant que c'est possible, bien sûr, parce que tout peut bouger d'une semaine à l'autre. On est habitué depuis 6 mois. Alors, on va explorer des thèmes mensuels, comme d'habitude. Et en septembre, on parle d'émotions, parce que c'est un thème qui nous a fait vivre toutes sortes de choses dans les derniers mois. Et donc, on débrief ensemble avec des invités. La semaine dernière, on a déjà reçu une autrice qui va sortir son troisième roman, Elisabeth Barry-Lessard, qui sort son roman le 24 septembre. Donc, on va avoir des invités comme ça dans les prochaines semaines. Et dès qu'on peut revenir un petit peu plus nombreux en studio à 4, là, on y sera. On a très hâte là, de se retrouver derrière les micros pour vrai. Puis en attendant, ben on reçoit nos gens ici à notre QG. On va les rencontrer sur place. Et on vous promet déjà une rencontre avec Amélie Bergeron, la directrice du Théâtre Jeunesse Les Gros Becs, pour parler de ce qui se passe avec le jeune public dans les prochaines semaines, parce qu'il y a une programmation, mais réduite là, pour le temps de la COVID jusqu'au mois de décembre. Et en octobre, on va parler de la nuit. En novembre, on va parler des droits des enfants incontournables, puisque le 20 novembre, c'est l'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Et en décembre, bien, on va parler de la famille. Et on verra pour les thèmes qui suivront ensuite, parce qu'on va inviter les membres du Machin Club, on va les consulter en fait pour bâtir la programmation de 2021, les thèmes mensuels qui vont animer la suite. Mais jusqu'en décembre, ça va ressembler à ça, donc on va parler de rêves, d'interprétation de rêves, de travail de nuit, de tout ça au mois d'octobre, puis de toutes les belles initiatives jeunesse qui ont lieu en novembre, et on va se retrouver encore en famille en décembre. Ça ressemble à ça pour l'automne. Et c'est un beau programme, hein. Ils sont mieux préparés que moi, les enfants, c'est incroyable. On rappelle la moyenne d'âge des enfants qui sont avec toi en ondes, Pamela, ça va de le plus jeune à quel âge? À partir de 6 ans, on peut déjà les retrouver derrière le micro, de la maternelle, ceux qui ont envie de s'exprimer. Mm-hmm. Et il y en a des nouveaux qui s'ajoutent à nous tout le temps. Évidemment, il y en a qui grandissent et qui passent à autre chose, mais on accueille et on essaie d'être le plus inclusif possible, et même les parents sont invités à participer à nos contenus. Donc, on est plus une famille qu'un groupe de jeunes au final. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on culmine en décembre avec notre thème de la famille. Et puis, on va essayer de se rappeler des souvenirs dans nos émissions, puisque cette année 2020 pour nous marque notre 5e anniversaire. Donc, on fouille un peu dans les archives aussi pour ressortir des petits bijoux puis se rappeler tout le chemin parcouru. Et on est content d'en faire partie à CKRL. Un grand merci, Pamela Bisson. On salue évidemment tous les enfants du Machin Club qui participent à cette émission hebdomadairement partout où on va le dimanche dès 19h. C'est encore un beau programme que vous nous réservez cette année. Donc un grand merci, Pamela. Puis j'allais dire bonne continuité, parce que vous avez été là tout l'été. Oui, on n'arrête jamais. Merci beaucoup, Pamela. Merci à toi, à bientôt. Pamela Bisson, directrice artistique du Machin Club et coordonnatrice de cette émission Partout où on va. Dans la suite de cette émission de lancement de l'automne, hiver, printemps 2020-2021 de CKRL, je vous présente d'autres émissions. Je vois que j'ai un animateur de rap, un autre de rock et un geek qui attendent là en vidéoconférence. Donc restez là, vous allez les rencontrer dans quelques instants. Je rappelle qu'on est aussi en ondes et en direct au 89.1 ckrl.qc.ca et sur Facebook. On est vraiment multiplateforme, c'est beau. Manque d'argent, manque de temps, manque de toi, manque, nom masculin singulier dans ses pluralités, fait de manquer, absence ou insuffisance de quelque chose. Et vous, qu'est-ce qui vous manque? un parcours théâtral et déambulatoire présenté aux alentours du Théâtre Premier Acte du 15 au 26 septembre dès 20h. Manque, un spectacle de théâtre escarpé en collaboration avec Premier Acte. Réservation de votre départ à lepointdevente.com. Manque. Opter pour un mode de consommation responsable tout en encourageant l'économie locale, c'est ce que vous proposent la brasserie artisanale La Korrigane et les boutiques La Récolte. Pour tout achat de 20 $ et plus dans l'une des deux boutiques La Récolte, vous recevrez un jeton de 2 $ valable pour un cruchon d'un litre de bière à La Korrigane. Et parce que nous aimons bien faire les choses, même nos jetons sont fabriqués de façon éco-responsable, à partir de filets de pêche qui auraient autrement fini à la poubelle. La Korrigane, 380 rue Dorchester. Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à La Korrigane, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mardi de 17h30 à 19h30, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et en prestation au 380 rue Dorchester. Sortie culturelle, c'est le mardi de 17h30 à 19h30 à CKRL 89.1. D'inspiration amérindienne, la boîte à pain vous offre le Bannick, un pain fait de 30% de farine de maïs pure. Un délice au quotidien. Procurez-vous le Bannick à la boîte à pain pour seulement $4.25. La boîte à pain, du plaisir à tous les jours. Boîteàpain.com. Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Take it easy. Take it easy. En direct du studio Denis Barry, CKRL vous présente le lancement de la programmation automne-hiver 2020-2021. Deuxième heure de ce lancement de la programmation automne-hiver, printemps 2020-2021. Pourquoi c'est aussi long ce type d'émission? Bah, c'est parce qu'on change pas vraiment de programmation à l'hiver, surtout là, en contexte de Covid-19. On garde nos habitués, on n'a pas fait de recrutement en fait. C'est des gens qui ont été proches de CKRL jusqu'ici, qui poursuivent à l'automne. Alors sans plus tarder, Jessica Leb, directrice de la programmation avec vous. Grand plaisir de vous accompagner encore pour 50 minutes et je vous le disais, on poursuit les présentations ou les représentations parce qu'il y a des animateurs qui sont là depuis des années. C'est le cas de Patrice Drapeau-Bisson qui est l'animateur de rap à CKRL avec l'émission Dérapage qui changera de créneau horaire d'ailleurs puisqu'on le retrouve dès ce soir, juste après sortie culturelle à La Korrigane, ça sera à 19h30. Bonjour Patrice. Allô. Est-ce qu'on m'entend bien? Mais oui, on t'entend très très bien, Patrice. Raconte-nous un petit peu comment se porte le monde du rap québécois, mais je sais que tu diffuses aussi de l'international dans ton émission. Ben, en fait, présentement, ça va bien, je trouve. Je sais que c'est ça. La seule affaire, c'est qu'il n'y a pas de tournée. Je sais comme par exemple, Run the Jewels devait faire une tournée avec Rage Against the Machine. Finalement, ils ont annulé la tournée, mais ils sortaient un album aussi cette année. Donc c'est ça. Là. Il y a plusieurs artistes qui ont sorti des albums pareils. C'est juste c'est ça. Il n'y a pas de lancement ou il y a des lancements sur le web. Là. On peut penser à Corias et Fouki qui ont fait leur lancement de leur album, qui ont collaboré ensemble, Genie en Herbe, qui est sorti en début d'été. Mais que la première montréalaise était à Montréal, mais dans un espace pour des spectacles qui seraient distribués sur le web. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Là. Il y en a. Oui. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de sorties d'albums surprises pour le rap québécois. Tu parles de Corias et Fouki. Je pense qu'Eman, c'était pas vraiment attendu non plus avec ce qu'il a sorti cet été, son club mixtape. C'est Ken Lo, par exemple. Ken Lo, pardon. Sorti... Désolé pour la confusion. Mais il y a Emma aussi qui est sorti plus tôt dans l'année. Ouais. Dans Ken l'année. Lo, ouais, je m'attendais pas à ça non plus. Fait que, ouais, non, c'est ça. Donc, dans Dérapage, on entend autant des nouveautés que des grands classiques du rap. C'est toujours ce que tu nous promets, Patrice? Oui, toujours ça. Même, je cherche un peu dans le Bandcamp aussi pour chercher des artistes underground de Québec aussi. Donc, un peu tout ça, là. Vous allez tout entendre ça. Plusieurs nouveautés en plus ce soir à cette édition de Dérapage. Fait que c'est un rendez-vous. Ça va attendre tout de suite après l'émission Sortie culturelle Corrigane. Merci beaucoup, Patrice Drapeau-Bisson. Alors, vous l'avez entendu, si vous voulez être au cœur du rap québécois comme international, c'est Dérapage qu'il faudrait écouter dès 19h30 ce soir. Un grand merci, Patrice. Puis, j'allais dire presque bon retour, mais t'as été là cet été aussi. Alors bon, pas plus tard que dimanche. Il y a deux jours, je viens ce soir. Exactement. Bon, merci, Patrice. Bye. Vous l'avez entendu, c'est tellement éclectique à CKRL, c'est notre richesse. Puis on a de la chance d'être aussi éclectique grâce à des animateurs passionnés de musique. Puis c'est vraiment ça la base. On passe en rock maintenant avec l'émission Rock Medium qui sera de retour à la programmation de CKRL. C'est aussi ce soir d'ailleurs qu'on se donne le rendez-vous. Vous, 21h30, 23h30 avec Mathieu Johnson. Salut Mathieu! Allô. Mathieu, retour en ondes ce soir. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois, je te dis, est-ce que 2 heures, c'est trop ou non, tu me dis, non, j'ai assez de stock pour 2 heures. Là, on va pouvoir... Jamais assez. Ouais, raconte-nous, Rock Medium, c'est du rock tous azimuts? C'est de tous les styles, tous les genres. Comme tu dis, c'est vraiment... ça peut partir des années 60 à aujourd'hui. Ça peut être du... soft rock, comme ça peut être... je commence souvent soft, comme l'émission le dit, c'est rock medium. Et le slogan de l'émission, mais c'est pas parce que c'est medium que ça peut pas être saignant. Il m'est arrivé, en fait, ce qui est drôle, c'est que je pense que ça fait un an maintenant, Mathieu, que tu animes, voire peut-être 2, j'en perds un peu les repères. Je pense que c'est 2. Ça fait déjà 2 ans, puis quand tu m'as présenté l'émission, le slogan était déjà là, alors qu'elle n'existait même pas encore. Ouais. J'avais beaucoup aimé la comparaison à la viande, ça m'avait séduit. Ben oui, parce qu'il faut que ça soit bien cuit de temps en temps, parce que souvent, ben entre les, comment je peux dire, entre les blocs de chansons, mes interventions, ben c'est souvent du bien cuit. Je m'amuse souvent à aller chercher des nouvelles insolites ou des fois, ben je vais avoir peut-être des invités, mais c'est durant, comment je pourrais dire, avant le confinement, j'avais jamais eu une semaine autant bookée que ça. Fait que là, je vais essayer de faire collaborer mes amis. Je m'étais donné le défi durant le confinement. Malgré que je vous envoie des playlists de temps en temps, le contenu était que québécois. Exact. Puis donc, tu te retrouvais aussi avec des invités avant le confinement. Là, on va continuer d'avoir des invités à CKRL, mais par téléphone ou par vidéoconférence, comme on est en train de le vivre présentement. Est-ce que c'est prévu à l'ordre du jour de Rock Medium, Mathieu? J'en ai parlé un peu. Il y a plusieurs invités qui sont intéressés à faire des... comment je fais, pas par téléphone, mais plus par Facebook, des choses comme ça. Je suis capable de chercher le son, tant mieux. Mais oui, j'ai déjà plusieurs invités, comme Meet the Mailman qui est invité et qui est intéressé à revenir. Il y a Mr. Weather qui voulait revenir aussi. Peut-être même Didier Sanson de Fleeing qui voulait revenir. Je sais que j'ai entendu un des animateurs d'une autre émission qui voulait inviter Arch Seraph. Que je voulais inviter avant le confinement aussi. Ah bah tiens, mais ça se recoupe un peu. J'étais booké, puis je vais m'arranger pour me rebooker de quoi de pas pire aussi à l'horaire. À ne pas manquer. Peut-être un avant-goût de ce qui nous attend ce soir, Mathieu, comme tu animes déjà à 21h30? Ce soir, possiblement, mon futur collaborateur, mon ami de la Belgique, qui est supposé revenir. il y a eu de la misère, pauvre petit. Parce qu'il était, justement, avant le confinement, il était parti voir sa famille en Belgique, mais il a été pogné là-bas, tu sais bien. Et qu'est-ce que je vais voir ce soir? Ah, ben les nouveautés, la nouvelle album de Deep Purple qui est sorti dernièrement. Sinon, il va y avoir du Gojira, il va y avoir... je vais commencer l'émission avec du prog, comme d'habitude. J'ai toujours aimé le prog là-dedans. Et c'est ça, je me promène parmi différents styles de musique. Ça sera à l'image de toute la saison. Donc, Rock Medium ce soir dès 21h30 sur les ondes de CKRL avec Mathieu Johnson. 2 heures d'émission rock jusqu'à 23h30. Un grand merci, Mathieu. J'attends tout le monde en grand nombre. Ah ben oui, ben bon retour en studio parce que merci pour beaucoup. Toi, c'est vraiment le cas. Merci à toi. On passe maintenant à un rendez-vous de la fin de semaine qui, lui aussi, cumul des années et des années d'existence qui est suivi par bon nombre de geeks, et c'est pas pour rien. Les geeks contre-attaques seront de retour, bon, sans pause aussi, parce qu'ils n'ont pas pris de pause de l'été, de 13h à 15h le samedi, et on retrouve Simon Boucher qui fait partie de l'équipe et qui vous accompagnera encore une fois cet automne. Bonjour Simon. Salut Jessica, ça va bien? Oui, ça va, très contente de te retrouver. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était lors de la nuit des geeks contre croisades pendant le Radioton de CKRL. Vous avez animé jusqu'à 4h du matin, c'était une première, puis je suis partie en même temps que vous pour l'anecdote. Simon, on vous retrouve dans votre créneau habituel le samedi après-midi. Comment ça se passe? Parce que vous êtes encore à distance aussi, parce que c'est une grosse équipe derrière les geeks. Oui, ben c'est ça, on est beaucoup trop pour rentrer en studio. Là, on a eu de l'aide durant l'été, durant le confinement, avec Stéphane Goulet de Arcade Québec, qui s'est joint justement à votre série d'émissions pour l'année. Et nous avons continué à faire ça en distance pour, disons, jusqu'à ce qu'on soit capable de rentrer en studio. Mais pour l'instant, on va continuer à préparer nos émissions et continuer à être 3, 4, 5 par émission selon les disponibilités de nos collaborateurs. Simon, qu'est-ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo? J'imagine que les jeux vidéo, eux, continuent de sortir, parce que s'il y a bien quelque chose qu'on pouvait continuer de faire pendant le confinement, c'était de jouer à des jeux, par exemple. Mais vous parlez pas que de jeux vidéo, d'ailleurs, hein? Mais on va parler de plusieurs choses qui s'en viennent cet automne. La sortie des prochaines PlayStation et Xbox vont arriver à l'automne, donc c'est sûr qu'on va couvrir ça aussi. Là, cette année, malheureusement, à cause de COVID, les choses telles Comic-Con ont été aussi annulées. Donc, celles-là, on ne pourra pas les suivre, mais il y a quand même des nouvelles un peu partout, des conventions qui se font virtuellement. Donc, on va suivre ce qu'on est capable, parce que ces compagnies-là de médias doivent rejoindre leur public. Donc, on est quand même capable d'avoir un petit peu d'informations. On va continuer les nouvelles, on va parler d'animaux, on va faire jouer des adaptations musicales de thèmes de jeux vidéo, de films. Donc, on a encore des choses en quantité industrielle pour vous. Et dès qu'évidemment le déconfinement vous le permettra, vous serez de retour en studio, bien sûr. Je vois que ça chôme pas du côté des jeux vidéo. Parlez aussi cinéma quand même dans les geeks contre-attaques. Oui, ceux qui nous ont suivis depuis longtemps ont peut-être vu le défilm il y a quelques années. Oui. Notre collaborateur La Joie faisait une critique de film par jour pendant un an. On va avoir des nouvelles là-dessus d'ailleurs cette année. On va pouvoir peut-être vous revenir là-dessus un peu plus tard cet automne, parce qu'on a eu au printemps, nous on avait commencé à la saison d'été et développe maintenant, on commence notre 8e saison je crois, et on a frappé notre 400e épisode récemment. Donc on commence à être vieux et croulant, mais on a encore... Ouais, en tout cas, je suis contente de voir que vous manquez pas de ressources, ça nous rassure. Les geeks contre-attaque, donc de 13h à 15h, notez l'horaire de l'automne, hein, parce qu'ils étaient un petit peu plus tard à l'été. Oui, merci Simon. Je jongle entre deux horaires là. Donc, on te retrouvera de 13h à 15h avec toute l'équipe des geeks contre-attaque qu'on salue, bien sûr. Un grand merci. Puis, on se retrouve bientôt en studio, j'espère. À bientôt. On poursuit d'ailleurs sur ce samedi avec un animateur qui anime plusieurs émissions, qui va être complètement versatile pendant cette saison d'automne. On lui a donné aussi un autre défi parce que c'était pas assez d'avoir deux émissions, dont une de nuit. Jacques Dulac sera de retour pour l'autoroute, illusion auditif et une partie de rue d'Auteuil aussi. Rien que ça. Bonjour Jacques. Rien que ça. Et en plus, ça fait longtemps aussi que toi, tu es à CKRL aussi, peut-être 10 ans, quelque chose comme ça? Ça va faire 10 ans dans juin. Très bien. Ça va faire 20 ans que l'émission existe en tout, mais 10 ans à CKRL. Bon, on est très content de t'accueillir à nouveau cette saison, Jacques. On va y aller dans l'ordre chronologique. Rue d'Auteuil, le vendredi de 20h à 22h. Une formule un petit peu modifiée cette année, puisque Michel Dubois a préféré rester à distance. Donc, il sera avec vous pendant la première heure de l'émission. Et ensuite, c'est une rotation entre Jacques Dulac et Vincent Delisle pour la deuxième heure. Oui. Sélection musicale blues. Oui, exactement. Comme tu dis, Michel Dubois va faire la première heure à partir de chez lui. La deuxième heure, ça va être trois semaines, ça va être moi. Une semaine, ça va être Vincent Delisle. Et je planifie des affaires, disons, genre la première demi-heure, ça va être varié. Puis la deuxième demi-heure, un artiste ou un album qui est marquant. D'accord. Donc, une sélection bien choisie, encore une fois, pour Rue d'Auteuil, que vous avez animée cet été avec Vincent Delisle, d'ailleurs. Donc, vous n'êtes pas extérieur à tout ça. Donc, une formule un peu différente, mais j'ai envie de dire tellement variée, avec trois animateurs derrière Rue d'Auteuil, votre rendez-vous de blues le vendredi dès 20h, c'est ça. Ensuite, on se retrouve, Jacques, le samedi aussi pour Illusion auditive, qui aura lieu, comme d'habitude, de 20h à 22h. C'est une continuité encore? Oui, toujours dans la même lignée. Pour ceux qui suivent l'émission depuis les 10 dernières années à CKRL, il n'y a pas grand changement, à part qu'on a des nouveaux albums, des nouveautés, des raretés. Vincent est fort dans les raretés avec les découvertes. J'ai investi cette année pas mal. J'ai des choses que je voulais avoir depuis longtemps. Que finalement, là, j'ai en main. Puis, ça upgrade l'émission. Mm-hmm. Alors, on rappelle pour les styles musicaux représentés dans Illusion auditive, on est dans le rock, mais autant indie, alternatif, psychédélique, progressif, classic rock, folk rock, country. Bref, c'est très varié. Encore une fois, c'est une voyage au cœur du rock dans toutes ses facettes. Et je pense qu'on a aussi de belles facettes dans l'autoroute. Alors, que dire de cette émission mythique de CKRL, nuit du samedi au dimanche, minuit, 4h du matin, 3 animateurs en alternance. Encore une fois, Vincent Delisle n'est pas très loin. Mais on a aussi Stéphane Villeneuve qui anime cette émission. Puis c'est une émission de demande spéciale à CKRL la nuit quand même. Oui, oui. C'est un défi cette émission-là. Parce que je sais que Stéphane, lui, la prépare d'avance. Mais Vincent et moi, on amène du stock, on amène des disques. Puis on ne sait jamais de quoi la nuit va avoir l'air. C'est vraiment sans filet. Ça fait que quand on donne des informations, on y va vraiment à chaud. Tu sais, c'est... Comment je pourrais dire? On ne dit pas qu'on improvise. L'émission est improvisée, dans notre cas, puis c'est un défi. C'est ça que j'aime. Je sais, j'ai des choses, je planifie de passer des choses, des fois le soir ou la nuit, puis je peux pas parce que telle demande spéciale est rentrée. Là, ça ne cadre plus vraiment. Ouais. Les auditeurs vous mettent au défi, c'est clair. Il y a un groupe Facebook, d'ailleurs, l'autoroute, que je vous invite à rejoindre si vous faites partie de ces auditeurs du samedi au dimanche. Non, normalement, c'est déjà fait, mais des fois qu'il y en a qui s'intéressent, bien sûr, un peu plus tardivement, rejoignez le groupe l'autoroute sur Facebook parce qu'il y en a, ils font des demandes spéciales une semaine d'avance pour être sûr d'avoir la pièce dans l'émission. C'est assez incroyable. Oui. Mais merci. C'est plaisant. C'est la communauté. Je peux pas rien dire d'autre que ça, mais c'est une émission vraiment plaisante à faire. C'est toujours un défi. Puis le jour que ça va s'arrêter, il va y avoir un gros trou dans ma vie. Oh, mais ça ne s'arrêtera pas. Le public est au rendez-vous. On nous la réclame tout le temps, l'autoroute. Je veux dire, je me ferais taper sur les doigts si jamais ça devait arriver. Merci beaucoup, Jacques Dulac. Évidemment, une grosse pensée à Vincent Delisle et Stéphane Villeneuve qui t'accompagnent dans ces différents projets. Donc, belle continuité parce que ce sont des émissions qui n'ont pas eu de pause cet été non plus. Non, on n'a jamais de pause. Le rock s'arrête jamais. Merci, Jacques Dulac. Plaisir. Waouh, franchement, que dire après ça, sérieusement, des bénévoles aussi investis, passionnés, dévoués. Je prends beaucoup de plaisir à parler avec eux, puis à chaque fois apprendre quelque chose de nouveau sur ces émissions. Pardon. C'est pas terminé. Dans quelques instants, vous voyez, j'ai des files d'attente de téléphone avec des animateurs qui s'en viennent pour vous parler de leurs émissions à l'automne. Restez là, c'est l'émission du lancement de la programmation de l'automne-hiver-printemps 2020-2021. Jessie Caleb avec vous pour mon plus grand plaisir, j'espère le vôtre aussi. Habituellement, c'est le créneau midi jazz à cette heure-ci. Alors, bah écoutez, dans du jazz que j'ai présentement francophone au palmarès, je peux pas passer à côté des Chiclets avec Folle. Restez là, on est sur les ondes de CKRL 89.1 et en direct sur Facebook aussi. Arrêtons d'avoir l'air trop équilibré. Quand on sait qu'on est tous un peu fêlés, moi quand j'ose laisser mes petites bibites prendre l'air, j'entends certains murmurer que j'ai l'air d'une folle. Posséder les loups, c'est folie, folle. Je suis passionnée de la vie frivole. Moi j'ose afficher qui je suis. Tilili, tilili, oui. Que j'en sorte la main. marche quand je ris trop fort. Que je dérange les trop calmes ou bien les morts. Si je suis habillée de mon intérieur, dis-moi pourquoi j'ai un impact sur ton bonheur. Oui, folle, j'essaie de trouver qui je suis. Folle, d'avoir un impact sur ma boussole et de suivre ce qu'elle me dit. Tididi, tididi, oui. Selon une étude d'un dénommé Einstein, la vraie définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Oh, oh, oh, tout le monde sait que le pétrole détruit la planète. Mais faudrait surtout pas que l'industrie pète aux frettes. Pète aux frettes, pète aux frettes, pète, pète, pète. Et laisser son confort n'est surtout pas pratique. On n'a qu'à faire confiance au système politique. Ah! Cher pétrole, qui osera défier ton monopole afin de sauver les terres agricoles? Même si vous semez de l'argent, ça ne va nourrir nos enfants! Pétrole, qui a vraiment perdu la tête? Folle, moi ou toute la planète, je recolle tous les morceaux de casse-tête. Tilly-di, tilly-di, tilly-di, oui. Les chiclettes avec Folle qui font partie du palmarès CKRL cette semaine. Vous êtes toujours dans cette émission de lancement de la programmation d'automne, hiver, printemps 2020-2021 visée sur cette grille qui est très riche hein, parce qu'on vous accompagne pendant près de 8 mois avec les émissions qu'on vous présente aujourd'hui. Et j'ai le plaisir maintenant de parler à Jason Duval qui est toujours à l'animation de Souvenir Franco. Il n'a pas pris de pause non plus cet été et on va l'entendre nous parler de ce qu'il nous réserve pour ces prochaines émissions dédiées à la musique franco-rétro-souvenir. Tout est dans le titre. Bonjour Jason. Bonjour Jessica. Jason, parle-moi un petit peu de ce que tu nous réserves alors pour ces prochaines émissions, parce que toi, tu es plutôt du genre très préparé, très organisé. Tu as tes spéciaux qui sont déjà prévus d'avance? Eh ben, bien sûr que oui. Donc, j'ai déjà, ben, on commence la saison vendredi prochain avec un hommage à Annie Cordy, cette chanteuse icône hein, de la musique française qui s'est éteinte vendredi dernier pendant ma dernière. Alors vendredi, on lui rend hommage et on est dans les hommages vraiment dans la prochaine saison de Souvenirs Franco parce qu'on va rendre hommage à Marie Laforêt, Alain Barrière, Johnny Hallyday, France Gall, mais aussi à plusieurs artistes québécois qui sont toujours parmi nous, comme Michel Richard, qui est un spécial qui est toujours extrêmement populaire. Michel Richard, hein, c'est une icône, c'est la diva. Alors, toujours une émission nécessaire à Souvenir Franco, la place des Québécois dans cet univers francophone exceptionnel des années 60 et 70. Et sinon, ben évidemment, je me garde toujours les demandes spéciales des gens. Toujours beaucoup de demandes. Alors, moi, je me fais un plaisir de faire jouer ces chansons-là pour eux et pour leur rappeler des souvenirs aussi. C'est un peu le but, effectivement. Puis moi, je me souviendrai toujours, Jason, les premières fois où tu as animé à CKRL, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Puis là, on comprenait pas parce qu'on se dit, personne le connaît encore. C'était vraiment la musique qui avait séduit les auditeurs. Puis tu as trouvé un public le vendredi après-midi qui aime écouter ces souvenirs franco, qui te demande des chansons. Je sais que tu as même une communauté en France, un fan club de Sheila qui te suit avec beaucoup d'assiduité. Donc bravo, Jason, de te faire un représentant de la francophonie et de ses chansons classiques. Puis pour tous ceux qui se disent, ouais, mais moi, les vieilles chansons, c'est peut-être un peu moins mon truc. Moi, je fais beaucoup de découvertes de chansons francophones qui ont été reprises en anglais ou qui sont les émissions originales, les versions originales de grands succès anglophones. Je sais que tu t'amuses avec ça aussi. Ben oui, mais c'est là aussi le défi de Souvenir Franco. C'est que depuis 2 ans, parce que ça va faire 2 ans Souvenir Franco, mais j'essaie toujours de renouveler un minimum les chansons que je diffuse, parce que sinon ça deviendrait redondant. Donc c'est vraiment un beau défi pour moi de toujours trouver des petites perles, des faces B de 45 tours d'artistes très très connus et des faces B qui méritent d'être plus connues. Alors pour moi, ça, là, c'est vraiment l'essence même de Souvenir Franco. C'est les découvertes de chansons moins connues, d'artistes extrêmement populaires. Et ça, les gens, je suis très content parce qu'ils embarquent avec moi dans cette folie, dans ma grande folie du 45 tours. Et j'adore ça. Et je suis vraiment reconnaissant envers eux. Jason, c'est un rendez-vous qu'on se donne encore une fois. Vendredi, ça ne bouge pas pour toi. 14h, 16h, on est sur l'horaire d'été. Je le rappelle, si on veut te retrouver dans Souvenir Franco. Un grand merci, Jason, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un plaisir. Et dans quelques instants, on poursuit la présentation de ces émissions. Écoutez, c'est complètement fou. Il nous reste 20 minutes pour parler, je pense, facilement encore d'une quarantaine d'émissions. C'est aussi simple que ça. La grille de CKRL qui est très riche. 70 émissions à la grille. Encore une fois, pour la prochaine année, on est très heureux de vous présenter tous ceux qui l'animent avec autant de passion et bénévolement. On est au 89.1. On est également en direct sur Facebook si vous voulez voir les visages des animateurs qui vous accompagnent. C'est Jessica Leb avec vous, directrice de la programmation. Je vais vous parler aussi d'une des deux émissions que j'anime à l'automne, Première Loge, pour ne rien vous cacher. Je vais vous parler un petit peu de ce que je vous réserve pour la prochaine saison. Restez là. Manque. Manque d'argent. Manque de temps. Manque de toi. Manque. Nom masculin singulier dans ses pluralités. Fait de manquer, absence ou insuffisance de quelque chose. Et vous, qu'est-ce qui vous manque? Un parcours théâtral et déambulatoire présenté aux alentours du Théâtre Premier Acte du 15 au 26 septembre dès 20h. Manque, un spectacle de théâtre escarpé en collaboration avec Premier Acte. Réservation de votre départ à lepointdevente.com. Manque. Optez pour un mode de consommation responsable tout en encourageant l'économie locale. C'est ce que vous propose la brasserie artisanale La Corrigane et les boutiques La Récolte. Pour tout achat de 20 $ et plus dans l'une des deux boutiques La Récolte, vous recevrez un jeton de 2 $ valable pour un cruchon d'un litre de bière à La Corrigane. Et parce que nous aimons bien faire les choses, même nos jetons sont fabriqués de façon éco-responsable à partir de filets de pêche qui auraient autrement fini à la poubelle. La Corrigane, 380 rue Dorchester. Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Corrigane, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mardi de 17h30 à 19h30, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et en prestation au 380 rue Dorchester. Sortie culturelle, c'est le mardi de 17h30 à 19h30 à CKRL 89.1. D'inspiration amérindienne, la boîte à pain vous offre le Bannick, un pain fait de 30% de farine de maïs pure. Un délice au quotidien. Procurez-vous le Bannick à la boîte à pain pour seulement $4.25. La boîte à pain, du plaisir à tous les jours. Boîteàpain.com. Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Take it easy. Take it easy. En direct du studio Denis Barry, CKRL vous présente le lancement de la programmation automne-hiver 2020-2021. Bon après-midi, Jessica Leb avec vous pour cette émission rocambolesque hein, de la rentrée automne-hiver-printemps 2020-2021 de CKRL. Mon plaisir aujourd'hui, un de mes plaisirs, parce que j'en ai beaucoup quand je fais de la radio, je ne ferai pas ce métier pour rien, c'est de vous présenter près de 70 animateurs et animatrices qui font de la radio bénévolement pendant l'année à CKRL. On a la chance de parler avec plusieurs d'entre eux. Puis bon, bah là, quand je parle à Éric Bédard, je ne peux qu'entonner mon hell yeah, mais je peux pas le faire mieux que lui, alors je vais lui laisser faire. Bonjour Éric. Attends, faut que tu le refasses, j'étais mal branché. Je te réécoute. Et décidément, je pense que ça va et toi? Et j'ai loupé le L.I.E. deux fois, mais écoute, on va se le faire en finale, ça sera plus spontané. Ben, je dis jamais ça. Éric Bédard, écoute, un L.I.E. Tellement mythique, parce que moi, ce qui m'impressionne toujours, le L.I.E., c'est le fameux L.I.E. que Éric pousse en onde, en studio, mais même quand il est tout seul. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que là, il est revenu en studio tout seul, puis le L.I.E. est toujours aussi intense. C'est l'émission Prescription Punk Rock que tu présenteras cet automne de 21h30 à 23h. Tu viens tout juste de célébrer le 12e anniversaire de l'émission d'ailleurs. Bien oui, écoute, hier, pas plus tard qu'hier, c'était les 12 ans de Prescription Punk Rock. Donc oui, ça fait toute qu'une aventure depuis les débuts. Faut que je te fasse une confidence. Au début, j'étais stressé et je m'étais même pas rendu compte que je disais répétition Hellier, qui est devenu comme le... Ton slogan. Le call fétiche, si on veut, bien sûr, de Prescription Punk Rock. Mais par défaut, c'était tout simplement un tic nerveux qui est resté. Mais oui, 12 ans, écoute, on revient en force avec la programmation automne. Comme on célèbre les 12 ans, ben on va avoir plusieurs émissions spéciales dans les prochaines semaines. Lundi, on va débuter avec un spécial Prescription Punk Rock Goes Metal. On a flirté un petit peu avec le métal et on a fait plusieurs entrevues. Donc, comme on faisait un gros récapitulatif des 12 ans de Prescription Punk Rock hier, ben on va aller un petit peu là, patauger là, du côté du métal pour revenir par la suite là, à notre formule normale. Normalement, on a de 2 à 5 entrevues par émission. Mm. On va continuer là, à ce rythme-là. On va couvrir bien sûr la scène locale, la scène internationale et tous les bands qui veulent être diffusés bien sûr à CKRL 89.1 qui ont un esprit punk rock, peu importe leur style. Oui, c'est ça qui est beau, hein. On s'attend à entendre du gros punk qui défonce les murs, mais en fait non, hein. On le voit avec l'exemple qu'on a eu au Radioton, Kung Fu Romeo, que t'as invité, qui était moins punk, mais qui avait un esprit punk dans le groupe tout de même. Exactement, faut mettre en contexte que le punk est allé... s'enraciner un petit peu dans tous les styles musicaux. Je pense à des formations comme les Clash vers la fin des années 70 qui ont apporté du reggae, du rap, du ska dans leur musique. Donc, tout s'est fusionné à certains moments dans l'histoire. Donc, c'est facile de patauger un petit peu dans plusieurs styles. Et comme tu dis, tout le temps ayant une étiquette, le DIY, do it yourself, qui est punk rock. Et Eric, pour terminer, sortie d'album punk, est-ce qu'il y en a à la rentrée? Quand même, oui, il va y avoir des sorties quand même assez intéressantes. Bien sûr, on attend le nouvel album de NoFX. Si vous aimez les rééditions, allez voir sur People of Punk Rock et Fat Trek aussi qui offre des rééditions de groupes. C'est sûr que c'est moins des nouveautés, mais c'est le fun, bien sûr, de redécouvrir ces groupes-là. Mais vous allez voir, il va y avoir quand même un automne chargé là, jusqu'au temps des fêtes. Malgré la pandémie, les groupes ont choisi là, de sortir des albums. Donc, surveillez ça. Puis si je peux rapidement là, vous dire, allez voir Bad Cop, Bad Cop, qui est une formation féminine de punk rock. Allez découvrir ça. Ils ont sorti un album de Ride, c'est fou braque. À suivre donc hein, pour cette, j'allais dire cette rentrée, mais encore une fois, ça me fait toujours drôle de dire une rentrée alors que tu as été là tout l'été, Eric. Prescription punk rock, lundi prochain, 21h30-23h. Ça retrouve son horaire d'automne, donc notez bien ça pour tous ceux qui ont suivi l'émission cet été qui avait un horaire un peu différent. Un grand merci, Eric Bédard. Hell yeah, merci, c'est Karen, yeah! C'est une grande famille. Merci beaucoup de me permettre d'animer Prescription Punk Rock. Et bonne continuité de marathon d'entrevue avec les 70 animateurs que je salue. Merci Eric, mais c'est tellement de plaisir de vous jaser, vraiment, c'est un marathon plaisant. On continue justement cette découverte de la programmation maintenant. Alors, on change de registre, mais c'est aussi ça la beauté du lundi soir à CKRL, c'est qu'on va parler littérature, danse, cirque, comme on l'a vu avec Robert Boisclair un peu plus tôt dans l'émission. Mais pour la littérature, bah, vous l'avez compris, hein, elle a été avec vous tout l'été, en relève de Barbel Rink, hein, l'émission Les Bouquins d'abord, c'est terminé. Mais Bouquins et Confidences reprend le flambeau, l'a déjà repris cet été, et c'est Julie Collin qui animera l'émission littéraire de CKRL le lundi de 18h30 à 20h. Bonjour Julie. Bonjour Jessica. Une émission littéraire aussi, 1h30, c'est facile à remplir, surtout avec la rentrée que vous allez avoir. Beaucoup de sorties de livres en 2020. Oui, il y a beaucoup de sorties comme à tous les automnes, mais aussi on ne s'aligne pas seulement aux nouveautés à Bouquins Confidences, on va aussi aller parler de différents classiques plus ou moins lointains. Donc on a vraiment une bonne panoplie de livres qu'on peut... Donc, on peut découvrir. Découvrir ou redécouvrir, effectivement, parce que tu n'hésites pas à aller dans les classiques avec tes chroniqueurs. Beaucoup de chroniqueurs, d'ailleurs, dans cette émission, Julie. Oui. J'ai des chroniqueurs, évidemment, que j'ai recrutés de les bouquins d'abord, évidemment. C'était quand même ma gang. Mm-hmm. Mais j'ai aussi des nouveaux chroniqueurs, comme Dominique Lemieux, qui est le directeur de la Maison de la littérature, qui, lui, à chaque fois, nous parle au moins d'un livre d'un auteur de la ville de Québec. Donc, il y a de quoi faire. Pardon? Je disais, il y a de quoi faire, déjà. Oui, c'est ça. J'ai aussi Étienne Beaulieu, qui est un essayiste, entre autres, et qui, lui, nous propose des essais presque à chaque semaine, des essais québécois à découvrir ou à redécouvrir. Donc, oui, j'ai vraiment des beaux chroniqueurs. Et Julie, je sais que tu as des invités aussi au courant de cette émission. Est-ce que tu sais déjà qui va être avec toi lundi prochain? Absolument, c'est la poète et nouvelliste Geneviève Boudreau. Et pourquoi, ben, vous allez parler de quoi, tout simplement? Pendant une demi-heure, on discute vraiment souvent de la carrière complète. Donc, elle a écrit plusieurs recueils de poésie, mais elle a écrit aussi un recueil de nouvelles. Donc, on va discuter avec elle vraiment de pourquoi elle a commencé à écrire, ses projets futurs, ses différents livres. Donc, c'est tout le temps des entrevues de fond qui durent une demi-heure à chaque semaine. Julie Collin pour Bouquins et Confidences. Vous l'entendrez le lundi de 18h30 à 20h. Et je rappelle aussi que Julie est aussi blogueuse littéraire. Alors, c'est pour ça qu'elle a été tout attitrée aussi à animer cette émission en dehors de sa passion pour la radio. Mais julielioli.com, si vous voulez la suivre, parce que je sais que tu réfères tout ce que tu dis dans l'émission avec la balado sur ton blog très rapidement d'ailleurs après l'émission. Oui, chaque semaine, en effet, parce que ça va vite des fois, on discute de titres de livres, puis prendre des notes, ça c'est quand même pas facile, donc tout est disponible après. Merci beaucoup Julie Collin, je te souhaite officiellement une belle saison entière, complète à CKRL pour Bouquins et Confidences. Merci. Je vous rappelle, le lundi, 18h30 pour ce rendez-vous littéraire. Pour continuer dans la culture, on en a aussi la fin de semaine avec un rendez-vous qui fait découvrir les 18-25 ans méconnus. C'est vraiment le mandat de cette émission qui est animée par des 18-25 ans. J'ai le plaisir d'avoir au bout du fil Calypso Lemoine et habituellement accompagnée de Théa Paradis, mais c'est Calypso qui se fait représentante de l'émission Méconnus qui aura lieu les dimanches de 20h à 21h. Bonjour Calypso. Bonjour Jessica. C'est un retour pour vous. Ça, c'est un vrai retour en studio avec Théa, puisque, comme je le disais, vous allez nous faire découvrir des jeunes de 18 à 25 ans de Québec, des artistes qui démarrent dans leur carrière, que ça soit théâtre, musique, chant, danse ou autre. Mais vous les mettez aussi en contact avec des artistes plus établis. Oui, exactement. Le but de l'émission est, oui, de faire connaître le méconnu. Donc, soit les jeunes qui sont méconnus, qui commencent dans un milieu, soit faire connaître le méconnu du milieu, par exemple, les faces cachées du théâtre, mais aussi un des buts de l'émission est surtout de les mettre en relation avec des adultes déjà bien établis dans le milieu pour justement créer cet échange-là, soit de conseils ou de confrontation de génération. Donc, c'est un peu ça le but de l'émission Méconnu. Et est-ce que tu as déjà une idée de qui vous allez nous présenter dimanche? On a des idées, mais on a une longue liste de potentiels invités. Et là, je ne veux pas trop en dire, je ne veux pas trop m'avancer, mais je peux vous inviter à suivre nos réseaux sociaux. Ça risque de sortir très prochainement d'ici dimanche. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Mais par contre, on a des chroniqueurs. C'est une nouveauté dans le sens que quand moi, j'étais absente, parce que j'ai été absente les derniers mois de mes connus, puisque j'étais à l'étranger, mais Théa avait des chroniqueurs et c'est quelque chose qu'on va conserver aussi à mes connus. Et ça, je peux peut-être dévoiler deux identités de deux chroniqueurs. Ah ben oui, dis-moi. On va voir Gala Dionne qui était présente et aussi Antoine Paradis. Donc, c'est des jeunes qui vont, oui, nous parler d'art, mais aussi d'enjeux sociaux, de politique, d'actualité. Mais tout ça dans un aspect méconnu et dans un aspect qui touche les jeunes. Donc, il y a des sujets qui les intéressent particulièrement. Calypso, on a bien hâte de découvrir ces méconnus, puis vous êtes vraiment, vous représentez la raison d'être de ces KRL, de donner le micro à des gens qui, en temps normal, ça serait peut-être plus difficile d'y avoir accès. Mm-hmm. Donc, merci d'animer cette émission si dignement avec Théa Paradis. Calypso Lemoine, rendez-vous dimanche 20h à 21h pour Méconnus. Un grand merci. Merci. Merci, au revoir. Et bon retour en studio surtout. Hein. Il y en aura plusieurs des retours en studio hein, d'animateurs qui n'ont pas animé depuis plusieurs mois déjà. C'est le cas d'un animateur que je vous présente maintenant qui va arriver avec une toute nouvelle émission mais qui ressemblera quand même à ce que vous avez pu entendre de lui précédemment. Alexandre Bélanger sera à l'animation de FOAD qu'il va nous décrire dans quelques instants. Ça sera le mercredi de 22h à 23h30. Bonjour Alexandre. Alexandre, contente. Est-ce que tu t'étais ennuyé du micro pendant tout ce temps pour revenir à l'automne? Oui, c'était une petite pause là avant de revenir en force là, pour cet automne. Pause de confinement un peu, ça l'a donné. Alors je reviens pour la mission FOAD qui était comme un peu. La mission s'appelait l'agression par le son, mais oui. Je voulais un peu que ça soit moins explicite et plus implicite dans le sens du nom de l'émission. Ceux qui, bon, c'est une émission punk et métal, et ceux qui connaissent le punk, le métal un peu, ben, ils savent un peu ce que ça peut vouloir dire. Et moi, j'arrive avec un concept de, un peu comme l'agression par le son, c'est-à-dire avec des thèmes, et donc j'offre des formations ouvertes et à distance, et de là l'acronyme FOAD, à travers la musique punk et métal qui va être diffusée par le biais de mon émission. Ce mercredi, c'est ta première. Est-ce que tu sais déjà dans quel univers tu vas nous emmener? Parce que t'aimes t'amuser avec des thématiques aussi, hein? Oui, exact. Toujours. Là, je fais un retour. Alors, la prochaine émission sera sur les retours. Oh, c'est bien choisi. Oui, c'est un peu toujours comme ça. Hein, les retours, des fois, ça peut être les animaux ou des concepts abstraits comme l'apprentissage. Là, ça va être l'autre après. Ça va être pour l'apprentissage. Et toujours à travers le punk. Je peux m'amuser et prendre une des pièces et partir sur un sujet que la pièce aborde. Mais en général, c'est la musique qui va offrir la formation musicale, la formation sur le thème. Le thème tout indiqué demain pour le retour, puisqu'Alexandre Bélanger n'avait pas animé à CKRL depuis plusieurs mois déjà. Donc, je vous rappelle, FOAD, mercredi 22h, 23h30. Ça sera nocturne, évidemment. Et Alex aime la nuit, je pense. Et puis, ça sera aussi assez éclectique. Là, tu as parlé de punk, de métal, mais des fois, c'est un peu plus doux aussi. Oui, quand même. Il y a des transitions. J'aime beaucoup la virtuosité. Il peut y avoir de la musique classique, il peut y avoir de la musique de jeux vidéo. Je sais qu'il y a une émission de jeux vidéo après la mienne. Je vais voir le lien. Arcade Québec, oui. Qui peut s'effectuer entre ces deux émissions-là. Et donc, oui, c'est punk metal avec toutes les sous-familles du punk et du metal. Où est-ce que ça se rejoint? J'écoutais Éric Bédard tantôt. Il disait que c'était le même esprit. Et moi, c'est un peu la même chose. Donc, un peu punk, un peu geek, un peu metal mélangé, mais toujours à travers le thème. Fait qu'on a un fil conducteur d'émission en émission. Donc, ça déménage quand même jusqu'à là. Faut avertir les auditeurs, là. L'intention est là que. Mais oui. Le reste, ça va être des transitions pour aider à se gérer le tout. Merci Alex Bélanger. Ben, je te souhaite un bon retour en studio dès demain, on l'a dit. FOAD, 22h, 23h30. Un grand merci. Oui. Et je vous l'ai dit, CKRL est tellement éclectique qu'on passe du punk, du rock à la musique ancienne. Et c'est là que je prends mon temps un petit peu plus tranquille à l'image de l'animateur qui l'anime depuis toutes ces années. Je tiens aussi à souligner le travail de nos bénévoles, animateurs bénévoles et animatrices à distance qui ont monté des sélections musicales pendant le confinement. Certains ont poursuivi pendant l'été aussi. Puis Denis Grenier, que je vous présente maintenant, va continuer son émission à distance pour continuo, c'est exactement ça le mandat. Denis Grenier qui est avec nous pour nous parler de ces 3 heures de musique ancienne qui ont lieu le dimanche de 9h à midi. Bonjour Denis. Bonjour Jessica. Eh oui, il faut que je ralentisse mon ton. Là, j'ai parlé avec des animateurs de punk et de rock, puis j'ai l'impression que j'ai accéléré. Mais là, continuo, il faut que ça soit plus calme. On est le dimanche matin, là, quand on se parle. Oui, mais j'ai quand même noté que le présentateur de l'émission sur le rap a dit que non seulement il s'intéressait aux nouveautés, mais qu'il remontait en amont aussi sur ses classiques. Je fais un peu la même chose, moi aussi, à continuo. Mm-hmm. Il y a toute une richesse là-dedans qu'on n'arrive pas à exploiter complètement parce qu'il y a trop de monde. Et des sorties, il y en a à profusion. Je suis débordé. Je dois faire des sélections et c'est très souffrant parce que je voudrais tout mettre, mais 3 heures, c'est pas assez. Ah oui, à ce point-là, quand les animateurs commencent à me réclamer des heures d'émission alors qu'ils en ont déjà 3, c'est qu'effectivement, c'est sincère. Denis, la musique ancienne, ce sont des siècles de musique. On part du Moyen-Âge pour remonter jusqu'à la période préclassique, par exemple. Je trouve ça toujours intéressant quand tu dis qu'il y a beaucoup de nouveautés, même en musique ancienne, parce que beaucoup de gens ont peut-être l'idée que ça reste figé dans le temps. Ben oui, c'est justement le mot ancien, un mot qui suggère un peu le statu quo, enfin l'inertie, mais non, pas du tout. Au contraire, c'est que la musique, c'est une chose qui vit et qui se transforme constamment. Et les musiciens d'il y a 50 ou 60 ans, quand on a vu le renouveau de la musique ancienne, ils ont fait des recherches, mais ça s'est poursuivi dans le temps. Et aujourd'hui, avec toutes les sensibilités qui se sont ajoutées à ça, la musique est différente. Et à chaque sortie de disque, on entend de la musique différente. Et les interprètes sont déterminants dans la musique. Et surtout en musique ancienne, les partitions sont souvent lacunaires, ce qui donne beaucoup plus de liberté aux interprètes qui peuvent réinventer la musique, nous la présenter sous d'autres aspects. C'est une richesse foisonnante. On se lasse pas, quand on est passionné par la chose, de découvrir ces choses. On essaie d'essayer de faire découvrir ça au public. C'est un plaisir, en tout cas pour moi, de faire ça. Oui, vraiment. Et on démarre le dimanche en toute sérénité quand on écoute Continuo. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la page de l'émission. Vous pourrez accéder à l'adresse courriel de l'émission. Bon, je vais la donner en fait. Continuo.ckrl@gmail.com. Si jamais vous voulez être à l'affût de tout ce qui est diffusé dans l'émission, Denis Grenier se fera un plaisir de vous transmettre ses références. Denis Grenier, un grand merci. 3 heures d'émission à distance, comme ça, c'est réalisé d'une main de maître, il faut le dire. Bon, ben d'accord, ça fait plaisir. Merci Denis. Au revoir Jessica. On poursuit cette... Je vous rappelle que vous êtes dans l'émission du lancement de la programmation automne-hiver, printemps 2020-2021. Il y a beaucoup à dire hein, sur cette saison de 8 mois où on va vous accompagner, où ces animateurs font preuve d'une grande passion pour vous présenter tout ce qu'ils font de mieux. Alors, on retrouvera dans quelques heures à peine Dominique Girard pour l'émission Première Loge Sport. Première Loge Sport qui, comme son nom l'indique, se consacre à l'actualité sportive. Bonjour Dominique. Bonjour Jessica. Dominique, le sport, ça se déconfine aussi, ça bouge. Oui. Il y a beaucoup de défis présentement pour la reprise de certains sports aussi. 1h30 de rendez-vous pour toi de 16h à 17h30 le mardi. Parle-nous un petit peu de cette formule d'automne pour commencer de Première Loge Sport. Ouais, dans un premier temps, le premier sport qu'on va couvrir, c'est surtout le sport local ici à Québec. Qui a été victime de beaucoup de bouleversements. Rappelons-nous, cet été, on n'a pas eu de baseball avec les Capitales, malheureusement. Ça aurait été l'entrée dans la Ligue Frontier, la nouvelle ligue là, dont aurait fait partie les Capitales et, entre autres, les Aigles de Trois-Rivières. Ça ne sera que partie remise pour l'an prochain, mais ça ne nous empêchera pas quand même de parler à Patrice Calabrini, l'entraîneur des Capitales, lorsqu'il y aura des mouvements de personnel et des changements pour l'an prochain. Pour ce qui est du Rouge et Or de l'Université Laval, football ainsi que tous les autres sports, ben on est en attente là, de la RSEQ et ainsi que du gouvernement, parce qu'on sait le gouvernement l'a annoncé dernièrement que le sport scolaire reprendrait graduellement aux alentours du 14 septembre, donc on est en mode attente. Par contre, pour ce qui est des Remparts de Québec, ça c'est décidé, c'est coulé dans le béton. Nous, les journalistes, allons être privilégiés, nous allons pouvoir nous déplacer au Centre Vidéotron selon certaines mesures restrictives, mais malheureusement, jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas de spectateurs qui vont être accueillis au Centre Vidéotron, donc ça va faire spécial d'avoir un Centre Vidéotron complètement vide. Pour nous, ben, les journalistes, on va être chanceux parce qu'on va être beaucoup plus proche de l'action. On nous a délégué des places là, un petit peu tout près là, des bancs des joueurs, là, donc on va quand même être proche de l'action. Donc, la saison des Remparts, ça commence là, début octobre, donc on va avoir l'occasion aussi de parler à Martin Laferrière, l'entraîneur associé qui est avec Patrick Roy au banc des Remparts. On va parler aussi avec l'entraîneur du Blizzard du Séminaire Saint-François pour ce qui est du sport local, Frédéric Parent. Donc, voilà pour ce qui est du sport local. Le sport provincial, international et tout ça, ben c'est ça que j'ai mes chroniqueurs habituels. J'ai Luc Carbonneau qui va nous parler de tennis et de sport automobile. Il y a aussi avec David Lemelin avec qui on va parler soccer. Jeff Fortin avec qui on va parler basketball de la NBA et baseball majeur, parce que ça aussi, ça tranquillement, ça a recommencé. Tout comme le hockey de la Ligue nationale, on sait que le hockey de la Ligue nationale s'est passé dans deux bulles, dans deux villes bulles, soit les villes bulles de Toronto pour ce qui est de l'association de l'Est et celle de Edmonton pour ce qui est de l'association de l'Ouest. Là, on est rendu dans le carré d'as et tout se passe à Edmonton. Donc, d'un côté, il y a les Lightning de Tampa Bay et les Islanders de New York. Et de l'autre côté, les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas. Donc, ce sont les quatre équipes restantes. Et oui, éventuellement, il y en aura deux. Mm-hmm. Et il y aura le championnat de la Coupe Stanley éventuellement. Donc, ça bouge. Clairement. Ça bouge quand même, dans des conditions oui. un petit peu différentes, mais ça bouge. Je vous invite à écouter Première Loge Sport dès 16h aujourd'hui pour en savoir plus. Là, Dominique nous a donné un avant-goût des défis de la couverture sportive, que ce soit du côté des journalistes que des spectateurs. Oui. Donc, à Absolument. Suivre, c'est dans quelques heures à peine aujourd'hui, dès 16h, qu'on te retrouve, Dominique Girard. Oui, puis en terminant aussi, j'ai des ententes avec des maisons d'édition. À l'occasion, j'aurais parlé des autres. De littérature, mais il y a de la littérature sportive aussi, quelquefois. Donc, à l'occasion aussi, il y aura des livres sportifs, donc je pourrais vous parler là, quelquefois, là, tout au courant de la saison. Quelques lectures. Merci beaucoup, Absolument. Dominique Girard. Première Loge Sport, dès 16h aujourd'hui. On poursuit, et dis donc, on n'a vraiment pas fini. J'ai plusieurs animateurs en attente pour ce lancement de la programmation automne-hiver printemps 2020-2021 de CKRL, mais écoutez, on va prendre le temps qu'il faut pour les présenter. Je m'excuse déjà auprès de Gilles Chomel qui va prendre les ondes dans quelques minutes à peine pour Folk d'Amérique, mais je me dois de parler quand même à Denis Lelièvre, notre vétéran de CKRL. Il est là depuis le 15 février 73, toute première minute où CKRL a été en ondes depuis l'Université Laval. Puis Denis Lelièvre, j'aime le dire, près de 50 ans plus tard, puis on disait même près d'un demi-siècle plus tard, il est toujours en ondes à CKRL avec deux émissions, Midi Jazz, mais aussi Chansons sur Parole. Bonjour Denis. Bonjour Jessica. Plaisir de te retrouver. Denis, on va se focaliser pour commencer sur Chansons sur Parole, ton rendez-vous du jeudi avec les auditeurs. 14h, 16h, comme son nom l'indique, tu aimes te consacrer aux arts où le texte est important, autant en musique qu'en littérature par exemple. Oui. Et je peux nuancer. Bon, d'une part, que je m'inscris dans un créneau horaire qui va de 14h à 16h sur semaine, du lundi au vendredi, où chaque animatrice ou chaque animateur se consacre à la chanson francophone. Alors, chanson sur parole, le mot parole ne veut pas dire nécessairement qu'il y a beaucoup d'interventions. Ça veut d'abord dire que c'est une affirmation de l'importance de la chanson francophone et que tout l'aspect sonore va être constitué de ça, parfois à 100%. Par contre, en effet, j'aime me consacrer à des entrevues concernant la chanson en tête, bien sûr, ça va de soi, mais aussi le théâtre, la littérature, surtout ces trois domaines-là. Et exceptionnellement, parfois, ce peut être des trucs de société, ce qui porte sur les médias ou la communication elle-même, l'éducation, des dossiers comme ça, même parfois en art visuel ou en cinéma, et à coup de une ou de quelques entrevues par émission. Et Denis, c'est pour ça tu auras des invités encore par téléphone notamment. Donc, est-ce que tu sais déjà à qui tu parles, si tu parles à quelqu'un jeudi? Non, je ne sais pas encore. Je fais grouiller ça beaucoup justement moi dans les deux jours qui précèdent. Le mardi et le mercredi. Oui, on y va avec l'actualité aussi, c'est normal. Avec l'actualité. Tout à fait. Et puis, il faut faire les contacts et tout ça. Exact. Hein, c'est une série de démarches derrière des émissions à CKRL, derrière des magazines. Je vais en profiter parce qu'il y a un de tes collègues de Midi Jazz qui vient de faire son entrée en studio. Il s'apprête à prendre les ondes dans quelques instants. Midi Jazz qui est animé par 5 animateurs différents. C'est le créneau que je suis en train de voler en ce moment. Midi, 14h, on va vous y retrouver en alternance. Denis, tu gardes ton rendez-vous du lundi pour Midi Jazz, puis Gilles Chomel va pouvoir échanger avec toi dans quelques instants. Raconte-nous, toi, j'aime toujours demander c'est quoi ta couleur dans Midi Jazz? Vous avez des jazz différents, là, derrière. Oui, d'abord, je répète ce que j'ai dit dans un autre contexte dernièrement. Midi Jazz débute sa 28e année. OK, c'est quand même quelque chose de bien encore. Oui. Et puis, avec 5 animateurs, donc tu as nommé Gilles Chomel, il y a aussi Hubert Tremblay, Paul Trépanier et Jacques Desjeans, Nous parlons beaucoup de, par exemple, de l'actualité, mais nous pouvons fréquemment faire des spéciaux pour évoquer l'anniversaire de la naissance, du décès, si ça fait longtemps, parce que ça peut être moins heureux, de grands musiciens. Et ce qui nous relie un petit peu tous les cinq, on le sent par le nouveau thème musical, c'est quand même une certaine modernité, mais ça n'empêche pas de renvoyer à l'histoire et d'avoir ça comme fil conducteur. Et moi, j'aime bien éviter qu'il y ait seulement de la nomenclature, c'est-à-dire qui joue et qui et quel est le titre de la pièce, et parfois profiter d'une situation, comme par exemple le mouvement Black Lives Matter, pour faire peut-être un commentaire social, même à l'intérieur de semblables émissions. Alors, ce que j'aimerais dire plus que jamais, parce que ça fait toujours peur aux gens, le jazz, c'est que ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous, communiquer, c'est vulgariser. Donc, on essaie que ça convienne à des gens qui connaissent ça déjà pas mal, mais à d'autres qui pourraient être des novices. Donc, si on fait ces émissions-là, c'est vraiment pour rendre le jazz abordable, accessible et le faire aimer. Au nombre de jazz que vous avez, parce qu'il y a 5 animateurs, donc 5 discothèques complètes, c'est clair qu'il y en a forcément pour tous les goûts. Gilles Chaumel vient de faire son entrée en studio parce que c'est lui qui me succède dans quelques minutes. Salut Gilles. Bonjour Jessica. De retour en studio, alors bienvenue. Enfin, dit-il. Gilles, je pense que tu acquiessais pendant que Denis parlait. On est tout à fait sur la même longueur d'onde. Malgré tout, on est 5 collègues qui faisons une émission de jazz, et les 5 ont des voix complètement différentes. V-O-I-I-E-S. Ah oui, tu joues sur les mots, tiens. Oui, aussi. Je suis étonnée. Comme par exemple, Denis, c'est souvent la musique, le jazz de chez nous, avec des entrevues. Puis moi, c'est plus la grande tradition de Louis Armstrong jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Christian Scott, mettons, là, tu sais, qui est un ami presque de Webster, qu'on a reçu d'ailleurs à Midi Jazz. Mm-hmm. Bref, les grands classiques. La modernité, c'est beaucoup, beaucoup aussi. Nos deux autres collègues, Jacques Bégin et puis Paul Trépanier. Et Hubert Tremblay aussi. Hubert, c'est vrai. Mais oui, Hubert, lui, cinq. C'est plus dans la tradition, lui aussi. Ouais. Comme un peu comme moi, tu sais, Hubert, c'est les grands maîtres, là, les vieux maîtres, même, je te dirais. Paul Trépanier et Jacques Bégin qui aiment explorer la nouveauté en jazz aussi. Donc, je vous dis, vous écoutez les 5 Midi Jazz de la semaine, c'est bien simple. Vous êtes à jour sur le jazz universel ou presque. Attends, ça c'est encore plus étendu, mais bon, vous comprenez là où je veux en venir. Et ce qu'on veut, c'est que ça soigne et que tout le monde tape du pied et claque des doigts. Je pense que le pari est clairement réussi. Denis Lelièvre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, ça va de soi. Et puis, on te retrouve jeudi pour Chansons sur parole, 14h, 16h. Tout à fait. Puis Gilles Chaumel reste avec nous, parce que dans quelques instants, je lui cède l'antenne pour Folk d'Amérique. Il nous en reste 2-3 que je veux absolument passer, puis Gilles sera autorisé à déborder sur l'émission suivante. Écoutez, on fait des exceptions aujourd'hui, je te l'annonce. D'accord, voilà. Merci. Restez là, cette émission complètement incroyable du lancement de la programmation de CKRL pour l'automne, hiver, printemps 2021, autant que le titre, c'est aussi long de vous présenter tous les animateurs, mais ils le valent bien. Alors restez là, Jessica Leb avec vous pour vous accompagner encore pour quelques minutes. C'est la dernière ligne droite. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Unis par les ondes, c'est L 89 1.